Salut tout le monde, c'est Sai, bienvenue à la 85e émission des podcasts de VR for Player et on va discuter autour d'un VR. Et voilà, c'est enfin le retour du podcast spécialisé dans le PSVR et dans la réalité virtuelle en général. C'est la rentrée des classes aussi pour nous. En ce mois de septembre, du coup, je vais faire l'appel. Voilà, professeur Sei. Je vais appeler les élèves. L'élève Majo. Salut Majo. Oui, maître, présent. Oh, maître, ah, j'aime bien, vas-y, je kiffe. Tu peux le redire? Tu peux redire, s'il te plaît? Non, une fois, ça suffit. Yes, master. Est-ce que tu as passé Comment ça va? Est-ce que, ça va et toi? Est-ce que tu as passé un bon été? Excellent. Chaud, aride. Aride. Sec, voilà, tout ce que. Merci la clim. Je sais pas. L'océan. Je sais pas comment est-ce qu'on peut avoir un climat aussi sec et avoir autant de moustiques qui nous cassent les couilles, en fait. Je ne comprends pas. Il y a un truc comme ça qui me dépasse. Mais bon. La science. La science. C'est la science. C'est la fin du monde. Et j'ai aussi l'élève Lolo. Salut Lolo. Ne me collez pas. Tu la vois celle-là, fais gaffe. Hein. Comment ça va? Mais c'est... oui, mais c'est l'école à l'ancienne. Hein. C'est, Oui, mon mec. T'as plus le droit. Voilà. Ouais, mais je m'en fous, moi, je prends tous les droits. Oui. T'as passé un bon été, Lolo? Oui, ensoleillé aussi. Ouais. Très bien. Avec plein de méduses. Super. Quand c'est pas les moustiques, c'est les méduses, c'est parfait. Ah, il y a les moustiques aussi, j'ai eu. Mais j'ai eu moustiques et méduses. Voilà. Mais c'était bien quand même. Ouais, ça fait du bien de temps en temps. Lolo, c'est le principe des vacances, heureusement l'ami. Que c'était bien sinon. Ouais, c'est ça, l'ami des animaux. Donc voilà, c'est la rentrée de VR for Player aussi, avec la rentrée des news qui commence à arriver et surtout ça commence à parler un petit peu de ce fameux PSVR 2 que tout le monde attend, on est tous sur les dents pour ça. Mais c'est pas parce que c'était l'été, on n'en peut plus d'attendre, mais c'est pas parce que c'était l'été qu'on n'a rien fait. Du coup, vous avez pu retrouver tout au long de l'été, et vous pouvez encore les retrouver, tous les dossiers de l'année dernière qui ont parsemé un petit peu l'année 2021 et début 2022, que vous pouvez du coup retrouver sur le site VR for Player. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? On avait aussi donc la chaîne VRAC, on a continué de poster un petit peu des vidéos dessus. J'ai posté une série de 6 vidéos des Let's Play moisis de l'été, si vous voulez aller les voir. Le principe, c'était de voir comment des gros jeux VR tournaient sur des configs de merde. Et donc, du coup, j'ai pris mon PC portable. J'ai failli le perdre à peu près 6 fois. Essayer de le faire cramer avec la canicule en plus. Donc voilà, vous pouvez retrouver ça sur la chaîne VRAC. Il y a aussi les Solus de El Rocco qui ont été sortis. Et j'aurais peut-être dû vérifier s'il y avait aussi autre chose avant de démarrer l'émission. Il avait fait un ou deux unboxing, il a fait la soluce de Rick et Morty, ouais. et puis je me rappelle pas du reste. D'accord. Ouais, c'est ça, je suis dessus. Voilà, l'unboxing de Madison. il a fait donc la soluce de Blood and Truth, la soluce de Rick et Morty. Et ouais. Blood and Truth, bien sûr. Voilà, donc il y a plein de choses à voir, si vous voulez. Ensuite, voilà, petit instant promo, on rappelle, hein, VR for Player, c'est un site qui n'est pas sponsorisé, un site qui n'est pas aidé par qui que ce soit, ni par Sony, ni par Pampers ou je ne sais quoi. Si, par nos employeurs respectifs. Uniquement par nos employeurs respectifs. Et du coup, y a une façon de nous aider, en fait, hein, c'est soit de nous donner des sous sur le Tipeee, où il y a le lien qui est sur le site, et sinon, si vous avez pas de sous, et on le comprend, on est pareil que vous, et vous pouvez tout simplement nous aider en parlant de l'émission autour de vous, de parler du site autour de vous, de partager sur les réseaux sociaux, de noter les vidéos, noter le podcast, bien évidemment. Ça coûte rien, juste 5 secondes, donc voilà, n'hésitez pas à en parler, histoire de pouvoir nous aider à progresser, et puis à trouver peut-être d'autres formules, à pouvoir... peut-être faire des events, je sais pas, changer de décor, changer de matos, nous payer un PSVR 2 1 500 € qui seront vendus par des scalpers sur eBay quand il sortira. Voilà, donc on a besoin de vous pour tout ça. Et puis du coup, on va commencer par les traditionnelles news de Laurent. Laurent, à toi de vrai. Ah bon? On devait pas commencer par à quoi t'as joué cet été? Ah ouais, si tu veux. Alors, Donc on continue la formule autour d'un verre, les émissions préparées à l'arrache. Complètement. C'est la rentrée, ça va. C'est la rentrée, il faut qu'on remette un petit peu, il faut qu'on enlève les tongs et qu'on mette nos souliers de l'année. Et toi, Madjo, à quoi as-tu joué cet été? Ah, donc c'est moi qui commence en plus. En plus, t'as ouvert ta gueule, c'est toi qui commence. Bah, tu parlais d'El Rocco et des solus qu'il a fait, donc j'ai regardé sa solus de Blood and Truth, que j'ai trouvé sympa parce qu'elle est vachement bien rythmée. Il a fait énormément d'efforts sur les transitions et tout, et du coup, bah, ça m'a trop motivé pour relancer le jeu, donc je me suis fait la moitié de Blood and Truth en une après-midi. Donc j'ai relancé ça, et après, After the Fall, hein, pour changer. Qui est toujours aussi sympa à plusieurs. On a fait une partie ou deux, c'était avec El Rocco Essay, et puis ben là en ce moment, alors contre toute attente, ça fait un moment que je voulais le faire, je l'avais acheté, mais il était tranquillement posé sur l'étagère, et je suis en plein Death Stranding, voilà. Ah, le jeu de Kojima où tu dois faire, tu dois ramener des colis. La simulation Amazon à ma grande surprise, un peu longue au départ, mais finalement... Et puis un peu longue au milieu aussi. Bah écoute, et super longue à la fin. J'ai réussi à me mettre dedans, et en fait, il faut prendre le délire tel qu'il vient, et finalement, tu t'aperçois que c'est quand même relativement cohérent et assez intéressant, finalement, tout ce à quoi il a pensé, tous les petits détails qu'il peut y avoir, et puis même l'histoire en elle-même m'intrigue un peu. Donc, je suis... plutôt content de cette découverte. Voilà. D'accord. Bon, bah, c'est bien au moins comme ça. Après, il a eu quand même pas mal de succès, pas mal de hype aussi autour de ce jeu-là. Ouais, bah, c'est un jeu qui a divisé pour le coup. Mais chose qui me dépasse complètement, vu qu'il m'est complètement tombé des mains, et pourtant, je suis un gros fan des productions de Kojima en général. Bah, ça a le mérite d'être particulier, quoi. Voilà, ça a le mérite d'être original, mais il a vraiment poussé le délire à fond. C'est-à-dire que tout est. C'est comme le principe du jeu de survie, si tu veux, où voilà, bah, le but ça va être de survivre. Bah, là, c'est un jeu de livreur, hein, faut le dire, mais avec tout ce que ça implique, quoi. C'est un jeu de livreur ultra prétentieux et ultra compliqué pour rien en fait. Bah, on s'en fout, c'est un jeu, c'est le principe d'un jeu vidéo. Enfin, tu tapes un délire et puis tu vas jusqu'au bout de tes idées. Bah, là, il y a été. Moi, je trouve que perso, là, pour l'instant, c'est plutôt bien réalisé. L'histoire, je te dis, est sympa. Après, bah, écoute, comment dire, c'est pas donné à tout le monde, mais tu t'aperçois que finalement, c'est un mec normal qui est tout en bas de l'échelle, même dans son monde, et qui va quand même réussir à faire des choses à son niveau qui vont être importantes pour. Pour réussir la quête pour laquelle il est missionné, donc moi je le prends comme ça dans ce sens-là, et je trouve que c'est plutôt bien raconté, quoi. Et puis tu sens que le mec il galère, en plus qu'il en chie, qu'il a pas forcément envie d'être là, ouais. Tu vois, et franchement je trouve que l'émotion, voilà, tu la ressens bien. Et tu vois, on parlait de The Last of Us Part 2 qui est un jeu c'est un peu pareil, quoi. C'est un jeu qui t'a fait alors attention, spoiler. Barrez-vous si vous n'avez pas fait The Last of Us. Évite. Oh merde. Bon, alors pas de spoil. Mais c'est un jeu qui a beaucoup divisé pour diverses raisons. Mais c'est aussi un énorme parti pris, si tu veux, qui a été fait par Naughty Dog. Et pour le coup, je le classerai un peu au même niveau, finalement, ce Death Stranding que Last of Us Part 2. Quoi. C'est une idée qui a été montée jusqu'au bout. Après, t'aimes ou t'aimes pas. Mais je trouve que tu arrives quand même à capter, si tu veux, ce que Kojima a voulu. A voulu retranscrire dans le jeu. Ouais. Ok. Bon, donc écoute, je suis assez content. T'as kiffé, c'est le principal. Je l'ai pas fini encore, mais pour l'instant j'aime bien. Ok. Bon, ça marche. Et toi, Lolo, à quoi t'as joué cet été? Alors moi, avec un petit bout de bois, j'ai repoussé les méduses. Ouais, d'accord. avec un insecticide, je tirais sur les moustiques. Méduses simulateurs. Cet été, j'ai joué à rien parce que je suis parti dans des endroits où il y avait déjà même pas Internet, donc. C'était assez compliqué. Après, t'as réussi à trouver l'endroit en France cet été qui a une connexion pire que chez toi. C'est quand même c'est ta grande motte, quand même pas mal. Mais il cherche en plus. Le mec il cherche. Toute l'année il se plaint de sa connexion. Il va où le trou numérique de France, quoi. Ah mais c'est le problème de alors je sais pas si c'est pareil partout. Faudra que les gens laissent des petits commentaires pour nous le dire. Mais en tout cas quand tu as une petite station balnéaire qui a 5000 habitants qui passe à 200 000 au mois d'août, les réseaux t'es en 5G 3 barres. Par contre, le débit est zéro. Ouais. Et tu vois que au début août, c'est même pas la peine d'essayer d'aller sur Internet parce que de toute façon, ça ne marche pas. Et puis après, ça va mieux. Donc déjà, tu poses ton téléphone et puis tu fais autre chose. Quoi. Donc bienvenue dans le monde réel. J'ai pas emmené la PS5. Si j'avais pris la Vita et puis une NDS. C'est surtout en rentrant que j'attendais Last of Us, que j'ai quasiment terminé la partie 1 PS5. Mais sinon, cet été, j'ai pas vraiment beaucoup joué. Ok. T'en as déjà un peu plus profité en rentrant, donc voilà. Puis ça t'a permis de voir tes gosses depuis un an que tu les avais pas vus. Oui, donc... voilà aussi. Oui, de les voir en train de se plaindre parce qu'il y a pas de wifi. Il y a pas l'internet. Et voilà. Putain. Papa, c'est quoi ces vacances de merde? Je peux pas avoir TikTok. Ok. C'est ça. Le monde d'aujourd'hui. Tu reviens, t'es détendu, quoi. Oui. Voilà. Et ça fait du bien, mine de rien, se couper un petit peu de tout ce qui est réseau, de tout ce qui est Internet, de temps en temps, ça fait vraiment pas de mal, ça ressource aussi, mine de rien. C'est que tu fais les choses en vrai, du coup. Donc tu vois qu'il y a un jeu de kayak en VR qui est sorti, tu vas faire du canoë. Tu fais du canoë en vrai, puis après tu dis merde, j'ai mal au bras. Tu vas tuer des gens aussi ou pas? Peut-être des zombies ou non, non. Parce qu'à la grande motte, vers 3h du matin, t'en avais un paquet, je pense. Non, mais ouais, tu fais d'autres trucs et puis ça fait une pause. Ok, parfait. Moi, du coup, oui, qu'as-tu fait en plus des jeux? On t'a pas posé la question. J'ai fait des trucs aussi dans le monde réel, majoritairement et heureusement. Mais aussi, du coup, vu que j'ai fait mes petites vidéos là sur Vrac, en faisant des stress tests à mon PC portable, ça m'a permis de jouer un petit peu en VR en dehors de chez moi. Et puis donc voilà, j'ai fait un petit peu de Resident 3 pour me rendre compte à quel point ce jeu était super en VR. En mode TPS, j'ai essayé Alpha Felix, mais ça marchait très très mal, donc j'ai pas continué plus que ça. Kayak VR, du coup, ça rame aussi, donc j'ai pas plus joué que ça. Et voilà, j'ai essayé d'autres trucs. Sinon, j'ai un pote qui m'a offert Siberia 3, donc du coup, j'ai fait Siberia 3. Du coup, après l'avoir terminé, j'ai acheté Siberia 4, et je suis tombé sur le cul en fait de la qualité de ce jeu qui est complètement passé sous les radars de la presse et des podcasts, des vidéos, etc. Et personne n'a parlé de ce jeu-là. The World Before, je crois il s'appelle. Et c'est un chef-d'œuvre. C'est vieux quand même, non? Il est sorti cette année, au mois de mars, il me semble. D'accord. Il est sorti au mois de mars et c'est un chef-d'œuvre. Siberia 4, vraiment, c'est une histoire émouvante, un jeu qui est beau, c'est un jeu d'aventure un petit peu à l'ancienne, mais quand même vachement modernisé. Elroco dirait c'est un jeu à papa un petit peu, sauf que voilà, c'est un jeu vraiment remis au goût du jour. Il est sublime, je trouve qu'il y a des plans dans le jeu, c'est des vrais tableaux. La direction artistique de Sokal est over the top, quoi. L'histoire est émouvante, sympa à suivre, il n'est pas très compliqué, donc même si t'es pas vraiment dans les jeunes endings, tu peux quand même prendre ton pied. Et puis voilà, depuis que je suis rentré, après j'ai fait j'ai relancé Last of Us partout sur la PS5, j'ai réussi à passer mon bug bloquant qui me faisait planter ma console systématiquement. Et alors comment t'as fait finalement? En fait, au bout de quelques heures de jeu avec Ellie, on rentre dans l'hôpital et en fait, dès que je passe une porte, la PS5, la PS5, elle plantait et puis elle crachait. Et ça faisait, je retournais sur le menu principal de la console et il fallait relancer le jeu. Et à chaque fois que je reprenais ma sauvegarde, j'arrivais à cette porte, bim, ça plantait. Et en fait, j'ai juste recommencé le chapitre, donc qui fait à peu près une bonne heure et demie de jeu quand même, parce qu'il est quand même sacrément long ce jeu. Et puis j'ai essayé de passer cette porte avec une grosse goutte de sueur là qui tombait. En me disant putain, j'espère que ça va passer, et c'est passé miraculeusement, et donc du coup j'ai continué de l'enchaîner et puis T'avais une petite sauvegarde corrompue, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, il y a dû avoir une micro coupure ou un truc, ouais. C'est bizarre et c'est vraiment dommage que c'était déjà le cas sur PS4 et sur PS3 et certainement aussi sur les consoles Xbox et Nintendo. Les codes d'erreur des consoles sont quand même pas super clairs, et en fait il peut y avoir tellement de problèmes. Le code erreur que j'ai eu, ça peut être un problème mécanique, ça peut être un problème logiciel, ça peut être plein de soucis en fait, ou juste des données corrompues du jeu. Il n'y a aucun moyen de savoir précisément en fait la cause de ton crash. Donc je trouve ça un petit peu dommage, quoi. Un peu emmerdant. Et puis voilà quoi. Et puis après, voilà, on est en train de reprendre un petit peu les activités classiques de l'année. Et voilà. Et c'était pas mal. Donc bah du coup maintenant on va pouvoir passer à la suite avec Majo, c'est bon? Fortnite. C'est bon, on respecte le programme, on est bien. Avec les news de Lolo. Heureusement que t'es là, Majo. Fortnite, je sais pas si vous connaissez, c'est un jeu, un petit jeu où c'est que tu te tires dessus en réseau. Ouais, j'ai mon fils qui a un t-shirt Fortnite, je connais. Ah, ils ont fait un t-shirt. Non, mais ils font plein de t-shirts, ouais. Ils font des plumes, ils font tout en fait. S'ils en avaient fait qu'un. Voilà. Ils font même des nerfs. En plus, ouais, non, il y a tout. Oh, ils font tout, t'as tout. Et donc, il y a eu une rumeur intéressante cette semaine qui est passée, donc d'un tweetos qui s'appelle Ipex, qui est apparemment spécialisé sur Fortnite et tout ça. Et puis, comme chaque mise à jour, eh ben, ils ne parlent que de Fortnite, donc ils vont gratter un petit peu dans le code source. Et dans le code source, eh ben, il y a donc c'est la dernière mise à jour, hein, c'est la 21.50. Déjà, ça fait pas rire le nombre de mises à jour qu'il y a eu. Et donc il a remarqué qu'il y avait du code qui faisait référence à Oculus et donc à la réalité virtuelle. Il a déclaré qu'Epic a ajouté des éléments liés à Oculus, Quest, Quest 2 et mobile dans la mise à jour d'aujourd'hui, très probablement un support VR approprié à l'avenir. Alors bon, des choses comme ça, on en a déjà eu. Hein. Il y a déjà 2 ans, on avait fait un article sur Fortnite et on avait eu à peu près les mêmes fuites. Puis d'autant plus que ça aurait du sens, étant donné que Epic Games, de toute façon, ont l'intention de développer un espèce de métaverse VR. Et puis Fortnite serait très adapté pour ça. Il n'y a même pas besoin de faire un métaverse à côté, parce que Fortnite c'est quasiment un métaverse. C'est déjà des concerts, c'est déjà, et puis surtout que ça se limite plus à un Battle Royale aujourd'hui, parce que tu as le mode créatif, ils vont pouvoir rajouter tout un tas de trucs pour compléter le bazar, pour pouvoir faire des tonnes de choses un peu à la Rec Room. C'est pas la première fois, des fuites comme ça, il y en a eu plusieurs. Il y avait Tim Sweeney, le fondateur d'Epic Games, qui avait déclaré il y a à peu près 2 ans, que Sony et Epic ont construit des activités qui mélangent créativité et technologie, et nous partageons cette vision des expériences sociales en 3D qui réunissent le jeu vidéo, le cinéma et la musique. Effectivement, il y a déjà eu des concerts avec justement des artistes de chez Sony Music qui sont allés dans Fortnite. Je sais plus comment ils s'appelaient d'ailleurs. On en avait parlé une précédente émission. C'était pas Madison voilà. Page et ou un truc comme ça là, et l'autre. Madison Beer. Ah c'est Beer, ouais, Beer, pardon, pas Page. T'en rappelles Beer. Madison Beer, c'est vrai. Et puis Travis le cinéma Scott. Forcément, parce que ça peut être, ça. Il peut y avoir aussi des séances de films qui sont diffusées là-dedans, le jeu vidéo. Donc de toute façon, si ça devait arriver, c'est pour ça qu'on en a parlé, c'est qu'il y a beau avoir, alors déjà c'est étonnant qu'ils aient retrouvé des traces d'Oculus alors que maintenant c'est plutôt Meta. Ouais. Donc il y a peut-être des petits morceaux qui restent comme ça. En tout cas, ça aurait carrément énormément de sens si ça arrivait. Alors je vois déjà les joueurs en train de gueuler, putain Fortnite. C'est bon, je me barre, c'est une catastrophe. Il y a les anti-Fortnite et les pro-Fortnite. Et t'es juste pas obligé de l'installer. Faut surtout voir. Voilà, faut surtout voir ce que ça peut apporter à la VR, parce que quand tu as un parc de joueurs si énorme, c'est sûr que tu aurais des tonnes de gens, d'influenceurs, de même des influenceurs plus jeunes qui vont parler de Fortnite VR. Surtout si en plus on se retrouve à avoir des avantages si on a le casque PSVR, ou des inconvénients, faut voir. Mais c'est ce qu'on en parlait la dernière fois. Je me disais, c'est sûr qu'avec le light tracking, si on a la capacité de viser là où on regarde, un petit peu comme dans un rafale, ça risque d'être difficile à équilibrer entre un joueur manette et un joueur PSVR. Surtout manette. PSVR 2, je veux dire. Voilà. Et t'as raison sur un point. Donc, t'as raison sur un point super important. C'est que Fortnite, que t'aimes ou t'aimes pas. Alors, c'est un jeu qui est un des jeux qui est le plus streamé, où il y a le plus de thunes qui tournent autour. Il y a des stars maintenant de Twitch, et on peut vraiment les appeler des stars vu comment ils dominent le game, qui ont fait leur carrière uniquement sur ce jeu-là. Et justement, le fait que Fortnite, qui est une grosse machine de communication, puisse avoir justement une fonction VR, ou en tout cas une version VR, ça apporterait, quoi qu'il en soit, beaucoup de choses dans la VR et dans la médiatisation de la VR, quoi. Si c'est bien fait, ça va faire parler. Et si en plus, ben, les types ils se retrouvent face à des joueurs VR qui sont pas si faciles que ça à battre, il y en a. Si des gros joueurs se mettent à se lancer en VR, ça risque, oui, ça peut faire une exposition médiatique qui va être excellente. Rien que pour ça. Ou l'effet inverse. Ça me rappelle. Ou l'effet inverse. Ça me rappelle ce YouTuber, donc j'ai complètement oublié le nom, qui avait testé Fortnite sur PSVR. Ah oui. Mais tu sais, en mode cinéma. Le mode 360, là. Mode cinéma. C'est un mode cinéma en disant, ouais, c'est vraiment de la merde, la VR, Fortnite, c'est pas juste. Je vais gerber. Oh là là, trop lolol. Et voilà, qui était plus passé pour un con qu'autre chose. Et voilà, ça me refait penser à ce truc-là. Nous, ça nous avait fait juste facepalm un petit peu, cette vidéo. Mais voilà, mais quoi qu'il en soit, Fortnite en tout cas fait parler de son succès. Ce qui craint, c'est que ce genre de mecs qui ont des millions d'abonnés, si le type qui fait sa vidéo dit c'est de la merde, ça me fait gerber, ou comme il avait réagi, je sais plus comment il s'appelait, ça finissait par. Et puis même si on le sait, on va pas le citer parce que on s'en bat les couilles en fait. Et donc, derrière, ils portent bien leur nom, c'est des influenceurs, donc il y a beaucoup de gens qui ne vont même pas essayer la VR. Je discutais cette semaine avec quelqu'un sur Twitter là qui disait moi ça m'intéresse pas, la VR ça m'intéresse pas. De toute façon, et puis il m'a ressorti tout, quoi. Il m'a dit ça fait gerber, et compagnie. Et ça isole. Puis au bout d'un moment, tu lui dis t'as déjà essayé un casque? Ah bah non. Tu lui demandes s'il boit. Et après je lui dis va chez un copain ou va dans un salon pour essayer. Ah bah j'ai pas de copain qui a un casque VR. J'ai pas de copain. Et puis c'est trop cher. Puis je suis seul. Puis de toute façon la vie c'est de la merde. Je suis seul. C'est ça. C'est triste. Hein, non mais après c'est vrai quoi. Tu un week-end tu pars avec 15 balles et tu vas dans une salle VR, une salle d'arcade, même des salles d'arcade. Ouais, mais il a pas de voiture. Il y avait des voilà. Donc après bon on veut pas mais on donne son avis. Donc bon. Ah bah ça c'est le principe d'internet. Tu sais pas, tu connais pas, mais tu donnes ton avis. Hein, ça c'est voilà. Voilà. Et puis voilà, tu quand ça touche des influenceurs, c'est dangereux parce que ces gens-là, ils sont capables d'influencer des millions de personnes qui vont le problème, ils vont voir en cinq minutes, ils vont dire bah non, moi la VR ça fait gerber, c'est de la merde. Le problème c'est pas les influenceurs. Ça, écouté, hein. Le problème c'est pas les influenceurs, hein. C'est les influencés. Hein. Bah, il y a les deux. Oui, c'est ça. Il y a les deux. Ouais. Ok, bon bah c'est bien pour Fortnite. Donc Fortnite, bonne nouvelle. Voilà. Okay. Même si on n'aime pas le jeu, on l'achète pas. Mais par contre, c'est super pour la VR, donc on applaudit. Donc Fortnite, on est content. On est content. Voilà. Ensuite, voilà, super content. Qu'as-tu ? Ensuite, je voulais parler également d'un autre jeu qui a été. Alors il y en a eu plusieurs des jeux. Il y a des jeux pour lesquels on n'a pas parlé. Notamment au sujet, donc on a sorti un article, alors on en a déjà parlé beaucoup de fois dans le podcast, donc je sais pas si on va vraiment s'étendre là-dessus sur le fait que le Quest 2 pouvait éventuellement étouffer le marché de la réalité virtuelle. On en a beaucoup parlé sur le marché PC où c'était un constat, hein, que le Quest 2 avait quand même diminué la production de jeux AAA, on va dire AAA, mais des jeux de qualité sur PC, et que la masse de Quest 2 de qualité visuelle, parce qu'il y a quand même des bons jeux de qualité sur visuelle. Quest, oui, mais ah oui, tout à fait. Mais tout à fait. Qui a étouffé même les productions en interne, notamment les jeux de Les studios internes. Les studios Oculus. Bah, l'Oneco. L'Oneco 2, par exemple, quand on voit le traitement qu'il a reçu à sa sortie. Donc on a refait une piqûre de rappel. Pourquoi ? Parce que le PSVR 2 va arriver. Et la question maintenant que le marché PCVR, et puis je pense pas qu'on va nous contredire là-dessus, mais il y a bien un constat que le marché PCVR a fortement ralenti. Et c'est vrai que quand on achète un PC relativement cher avec une carte graphique qui coûte encore plus cher, et que tu te retrouves avec un jeu Quest 2, il y a moyen à râler un petit peu en disant il aurait pu être plus beau mon jeu, surtout avec la carte que j'ai, quoi. Donc c'est vrai que la question se pose maintenant, est-ce que tout le fond de l'article, en fait, c'est que tout ce parc de jeux Quest 2 qui sont sortis sur les 2-3 dernières années, vu la simplicité, parce qu'il y a eu en même temps les développeurs de chez Sony qui ont averti qu'il serait très facile de porter un jeu VR sur PSVR 2, un jeu PS5 sur PSVR 2. Alors ça, c'est un autre débat qu'on peut développer aussi là-dessus. Et donc, apparemment, ce sera très facile. Voilà, ce sera très facile de porter ces jeux. Donc, le côté jeu VR, donc on va parler forcément des jeux PC. Et donc, si c'est trop facile, on risque de se prendre un raz-de-marée de jeux Quest qui ont déjà été développés et puis qu'ils arrivent tels quels et qu'on se prenne des sorties, plein de jeux qui vont arriver d'un coup. Ce qui serait pas un mal, final, hein, ce qui serait pas un mal, parce qu'il y a quand même, comme disait Majo, des très bonnes productions dessus. Tu prends un Beat Saber, ça n'a pas besoin d'être beau, ça fonctionne tout seul. Quoi. C'est ça, ouais. Par contre, c'est vrai qu'il y a certains jeux où tu vas te dire, entre un Horizon Call of the Mountain et puis un jeu Quest, il va y avoir un méga, c'est même pas un fossé, ça va être un précipice entre les deux, quoi. Et là, c'est est-ce que ça risque pas la vraie question, c'est comment vont réagir les studios? Est-ce qu'ils vont se dire on a déjà notre jeu Quest 2? Est-ce qu'on on le balance tel quel? Est-ce qu'on fait une petite amélioration? De toute façon, il y en aura une parce qu'il va falloir le mettre avec l'eye tracking et tout ça. Mais est-ce que visuellement, il y aura des améliorations? C'est pas sûr. Et sauf que là, le fossé, il est tellement énorme. On parle d'un PC avec une 3090 et un Quest 2, c'est 40 fois plus puissant. Donc là, on est sur une PS5 qui est 20 fois plus puissant que la puce XR2 du Quest 2. Je disais sur PSVR, déjà je râlais. En même temps, je râle souvent. Mais sur PSVR, sur PSVR, à la limite, ça pouvait passer. Il y a eu 2-3 jeux où j'ai un peu râlé parce que je savais que le PSVR pouvait faire mieux. Sur PS4. Mais sur PS4 Pro, il y avait rien de mieux en plus. Là maintenant, c'est plus pareil. On n'est plus sur une PS4 Pro, on est sur une PS5. On en a la c'est preuve. Vrai que quand on voit la différence. Dis, merde. On en a la preuve de ce que tu dis. Alors, je sais pas si mon exemple sera vraiment très probant ni le meilleur. Red Matter, le premier. On avait fait des vidéos comparatives entre la version Quest 2 et la version PSVR. La version PSVR avait des textures plus fines, plus fournies. C'était pas la version Quest 2, c'était la version Quest 1. C'était sur Quest 2 qu'il avait été testé par Cyril à l'époque, il me semble. Ah bon ? Cyril. Ouais, c'est Cyril qui l'avait. C'était le Quest 2 qu'il avait. Et du coup, les textures étaient plus fines. Il y avait les affichages, les effets de lumière, etc. Le jeu avait vraiment une grosse différence, ne serait-ce que entre la version PSVR et la version Quest 2. Sur PC, c'est encore plus beau. Il y a Red Matter 2 qui vient de sortir, la version PC et la version Quest 2, même si elle est très améliorée par rapport à la version Quest 2 du Red Matter 1, il n'y a aucune différence entre la version Quest 2 et la version PC. Donc ça commence en fait. Il y en a plein comme ça. Il y en a plein comme ça, voilà. Mais vraiment, pour dire que ce qu'on raconte, c'est pas uniquement une impression ou un avis comme ça. Là, c'est concret. Non, il y avait eu le jeu de flotte, Triton Diver. Triton Free Driver. Où on avait exactement là. Mais là, en plus, c'était flagrant au niveau de l'eau, justement. C'était la même chose. Exactement la même chose que la version Quest. Et la version PC, elle, bénéficiait de plus de technicité. Mais bon, de toute façon, tu l'as dit, après, ça dépendra du studio, ça dépendra du budget du studio. Tous les studios n'ont pas la même capacité financière, donc à perdre du temps, à optimiser leur jeu sur chaque plateforme. Donc, ça dépendra aussi de ça, ça dépendra de l'envie aussi des développeurs de faire bien. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi l'effet inverse qui est en train d'arriver. Où il y a des jeux qui sont exclusivement pour PCVR et PSVR2 annoncés et pas de version Quest parce que ça tourne pas. J'ai vu il y a pas si longtemps, je crois que c'est Firewall. C'est Firewall le prochain. Ouais. C'est le Ultra, ouais. Alors c'est peut-être, l'Ultra. Où il y a justement une personne sur Twitter qui demandait à First Contact, donc quand est-ce que ça sortirait sur Quest 2, et le mec lui a répondu techniquement c'est pas possible, quoi. Donc ça n'arrivera jamais en fait, et donc ça c'est étincelle qui est, la réponse qui est encore plus cruelle que ça, hein. La réponse du développeur, c'était le Quest 2 pourra pas supporter la puissance de Firewall. C'est trop de la merde maintenant. Ouais. Bon, c'est un peu violent quand même, hein, mais bon, c'était c'est de la com, quoi. Ça dépend, parce que finalement, ceux qui sont touchés dans cette histoire, c'est les casuals qui n'ont ni PC ni console, en fait. Parce que quelqu'un qui a un PC, il va profiter, il va être gagnant. C'est pas forcément le casu. Jouer à des super jeux sur PC. C'est pas forcément les casus. C'est les gens qui ont pas forcément ni les moyens ni l'envie de mettre de l'argent dans du matos aussi, onéreux, même si le Quest 2 a pris 100 balles de plus ces derniers mois, neuf. Dans la tête des gens, le Quest 2, et je reste persuadé que le Quest 2 a apporté plus de bonnes choses à la réalité virtuelle qu'il en a apporté de mauvaises. Après, il lui a apporté la démocratisation. L'image du grand public, en tout cas ceux qui sont intéressés même un petit peu par les jeux vidéo et qui sont intéressés de loin par la réalité virtuelle. J'ai un pote qui m'a dit encore à une soirée, ah mais j'ai vu un gars jouer avec un Quest 2, ça y est, en fait là ils ont tout compris, c'est-à-dire que maintenant t'as plus de fil, t'as plus de à être branché sur un hardware. Voilà, c'est vraiment le truc qui manquait, et je comprends cette position, et qui est la position l'idée majoritaire en tout cas des gens qui aiment ce casque-là, même d'autres sites, hein, parce qu'on entend vraiment ce discours très très régulièrement. Nous, ce qu'on dit, c'est juste voilà. On a peut-être à avoir l'impression qu'on met toujours le doigt sur le côté un petit peu pervers du succès du Quest 2, à savoir niveler par le bas. Ça, on en a déjà suffisamment parlé dans l'émission. Faut bien comprendre qu'on est conscient aussi que le Quest 2, c'est quelque chose aussi qui a été très très bénéfique. Mais voilà, faut quand même garder en tête que ça reste une console portable, clairement. C'est pas, même si on peut le brancher sur un ordinateur, mais à ce moment-là, c'est l'équivalent de n'importe quel casque Vita, hein. Mais voilà, c'était juste voilà pour clarifier un petit peu les choses, et puis non, mais de toute façon, la puissance du Quest est équivalente au problème du fil pour les casques filaires, quoi, en fait. C'est-à-dire que niveau échelle de problématiques et de choses sur lesquelles on tape, pour moi c'est la même chose. C'est-à-dire que c'est aussi con, entre guillemets, de taper sur les graphismes du Quest parce que c'est un Quest, que c'est aussi con de taper sur le fil d'un casque qui est relié à un hardware. Parce qu'il a un fil. Si tu veux. Mais comment te dire, l'un n'empêche pas forcément l'autre, si tu veux. C'est-à-dire que tu vas pouvoir jouer à tes jeux Quest sur ton PSVR avec un câble, que l'inverse, par contre, on va dire développé uniquement par le biais de l'autonome et en se servant de l'autonome en base, ne te permet pas de jouer à des beaux jeux sur des casques qui sont filaires, si tu veux. Voilà, c'est juste la notion qu'il faut quand même comprendre, c'est que soit par fainéantise, soit par manque de budget, mais le constat, il est quand même là, c'est que les productions, elles ont grandement baissé d'un point de vue technique, depuis l'avènement du Quest. Voilà. Après, c'est pas péjoratif ce que je dis, c'est juste que c'est un constat. C'est un constat. C'est que pour le coup, c'est comme ça que ça s'est passé. Après, comme tu dis, le Quest, c'est 10 millions de ventes. Donc, c'est un casque qui s'est vendu plus que tous les autres casques réunis. Donc, c'est quand même un succès fou. Et comme tu dis, ça démocratise grandement la VR pour beaucoup de gens. Ça leur a permis de découvrir. Maintenant, est-ce que ces gens-là vont vouloir passer un cap et aller au-dessus et avoir justement des jeux qui sont encore plus beaux et plus immersifs visuellement? Ça, c'est un autre point. Mais voilà, faut bien quand même dissocier ces deux facteurs-là au niveau de la VR, quoi, et ne pas, en fait, pas nous prendre pour des gros connards parce qu'on dit je veux dire, nous on sort d'une génération, si tu veux, où on a toujours été habitué où chaque hardware évoluait graphiquement, voilà, visuellement, techniquement, chaque hardware était une évolution. Et là aujourd'hui, la VR en elle-même, c'est une évolution graphique du hardware, hein, même si c'est des jeux qui sont moins beaux, ça reste une évolution graphique puisque tu es immergé dans ton jeu, donc tu n'es plus en face d'une télé, donc ça reste quand même un degré qui est techniquement... C'est des jeux qui sont moins beaux. Moi, je mettrais, VR, les jeux qui sont modés, par exemple, les Resident Evil, sont aussi beaux en VR que en plat. Mais ils sont pas optimisés de la même manière. Si ils sont pas optimisés vraiment. Tu peux pas. Comme tu dis, t'as des plans de caméra qui sont faits où tu te vois à la troisième personne, t'as pas la tête ou des trucs comme ça. Tu vois, donc tu sens que c'est des jeux. Enfin, ça reste du modding, donc c'est adapté, si tu veux. Mais il y a pas tout. Tout n'est pas mis en place. Mais après, je vois ce que tu veux dire. Mais je veux dire, la VR telle qu'on nous l'a présentée à la base quand elle a commencé, c'était des jeux qui étaient quand même moins beaux que des jeux plats, si tu veux. Mais c'était quand même une évolution technique parce que ça te permettait d'être immergé dans le jeu. Et en fait, quand l'autonome est arrivé, on avait pris cette habitude d'être immergé dans le jeu, donc ce qu'on attendait, c'était une évolution technique visuelle, pour le coup. En fait, c'est quelque chose qui n'est pas arrivé avec le temps, c'est-à-dire qu'on s'est aperçu que les jeux étaient de moins en moins beaux, plus on avançait avec les sorties et plus on avançait dans l'évolution du hardware et on va dire dans la maîtrise du hardware, c'est-à-dire que c'est pareil, quand t'as une génération de consoles qui démarre, Ben, les jeux au début ils sont beaux parce que tu sors de l'ancienne, mais ils sont toujours moins beaux que ceux qui arrivent en fin de génération parce que ben, les devs ils apprennent à maîtriser le hardware. Et là en fait, là, même ça on n'a pas profité. Là c'est le contraire. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on râle, parce que finalement, et c'est ce que Laurent essaie toujours de dépeindre quand il explique ça, c'est qu'on régresse en fait. Techniquement on régresse. Alors après les jeux, comme tu dis, pour de la VR autonome sont très bien. Enfin, tu vois, j'ai vu encore un nouveau test là, sur un jeu de survie qui est dégueulasse graphiquement. C'est plus ou moins expliqué dans l'univers, mais par contre le fond du jeu, il est costaud quoi, si tu veux. Et il y a plein d'idées auxquelles les devs ont pensé, qui sont de très très bonnes idées, qui rendent le gameplay vraiment sympa. Mais par contre le jeu, il est dégueulasse. Voilà, visuellement il est pas beau. Mais c'est de l'autonome, ça sort sur Quest 2, et puis comme tu dis, voilà, c'est pour une certaine catégorie de population. Maintenant, on voudrait que ça change et qu'il y ait vraiment cette distinction entre les deux. C'est complémentaire. C'est ce qu'on dit depuis des années, c'est qu'il y a deux chemins qui prennent deux chemins différents. Hein. Il y a Facebook qui a clairement fermé ses studios et arrêté de développer pour PCVR. Ils ont dit, on fait notre Quest 2, on va le considérer comme une console portable. C'est une console autonome, donc il rentre en concurrence directement avec PlayStation, mais aussi avec les PC, parce que quelqu'un qui va acheter un Quest tout seul, il va pas forcément avoir besoin d'un PC ou d'un Quest. Mais est-ce vraiment le même public que PlayStation et tout ça, c'est différent. Mais surtout, ce qui on tape ni sur PlayStation ni sur Oculus ou Meta, parce que eux ils sont même pas responsables de ce qui s'est passé en fait, parce que eux ils ont sorti un bon casque, le Quest 2 c'est un super casque. Le souci c'est que c'est le marché qui devant ce monopole, on va dire, des 10 millions de casques de Quest 2, a fait que les développeurs sont allés à l'endroit où ils allaient gagner le plus de ronds. Et puis bien sûr, ils n'allaient pas développer des jeux PC pour les sortir sur Quest, parce que quand même le Quest au départ, il a eu autant de succès. Pourquoi ? Parce qu'on pouvait jouer à des super jeux sur PC et en même temps, on pouvait jouer en autonome. Bah, de toute façon, sur Steam, ça reste le casque le plus utilisé. Je crois qu'il a plus de 50% d'utilisateurs. Ce qui a fait son succès, c'est aussi ça. Et je pense qu'il y a une partie des personnes, je pense à Steph, qui l'utilise quasiment tout le temps sur PC, son Quest. Il y en a d'autres qui vont l'utiliser tout le temps en autonome. Et ils sont presque complémentaires. On peut très bien avoir un PSVR 2, une PS5 à la maison et partir en vacances dans un endroit où il n'y a pas Internet, mais il y a des moustiques et des méduses, et se dire, bah, je vais me faire un petit Beat Saber cet après-midi avec le Quest 2 dans mon camping, quoi. C'est vraiment pas de la concurrence. C'est vraiment des offres différentes et complémentaires. Surtout que je suis sûr qu'il y a moyen d'adapter avec concession certes, mais t'as quand même moyen d'adapter les jeux de PC VR sur le Quest, quoi, en faisant un gros downgrade. Medal of Honor, ils ont essayé, mais par contre, t'as une grosse concession aussi en termes de contenu, et puis le jeu a été complètement repensé au niveau de... Oui, mais c'est possible. C'est possible. Comme tu as... Par contre, je vais extrapoler énormément, mais comme tu avais une version Super Nintendo et une version Game Boy du même jeu. Ouais, ok, je vois le délire. Okay. Tu vois, c'était des jeux qui avaient rien à voir graphiquement, qui étaient en noir et blanc et qui pouvaient être, comme tu dis, parfois amputés d'une partie du gameplay, mais ça restait la même licence, quasiment le même jeu avec le même type de gameplay. Ah, c'est vrai que l'époque a changé. Hein. T'avais quand même une différence, tu vois ce que je veux dire. Donc après, c'est possible, tu vois. Ouais. C'est jouable. Et puis ouais, ça permettrait à tout le monde d'avoir sa version du jeu. Mais bon, voilà. Le danger, c'est qu'on se retrouve avec, mettons, 10 productions magnifiques style Horizon, Call of the Mountain, et puis 200 ou 300 jeux. Et je pense à certains jeux qu'on n'en a pas parlé, mais il y a des petits développeurs. Alors je sais plus comment ils s'appellent, Talking Dog, les développeurs ont commencé à en parler sur qui serait compatible PSVR2. On vous montrera un petit extrait globalement quand tu vois déjà le trailer tu dis ouais d'accord. Ah, c'est le chien tout raide là. Et puis c'est le chien tout raide dans la pelouse, sur PS5 quoi, avec les effets rétrécis. Mais c'est surtout l'ours et la biche qui rencontre qui tourne avec un éléphant à un moment. Donc il y a des trucs comme ça. Et puis plus récemment, il y a des jeux. Tout à l'heure, on parlait de jeux qui étaient annoncés que sur PC et PSVR2, ce qui me paraît plus logique. Par contre, on a encore des titres. Par exemple, on en a déjà parlé, mais The Walking Dead: Saint and Sinner Retribution, le 2 qui va arriver. Si vous voyez le trailer avec le logo PlayStation VR2, on a presque l'impression que le trailer du Quest 2 est plus joli que le PSVR2. Donc ça, à la limite, quand tu y joues, tu vas dire bon, c'est un jeu qui est sympa, il y a une bonne ambiance, il y a un bon gameplay, il y a un truc, le jeu reste le 1 était excellent. Le jeu restera bon, ça c'est sûr. Par contre, au niveau de la masse qui ne connaissent pas la VR, quand ils vont voir ces deux trailers, je parlais tout à l'heure du mec sur Twitter qui n'avait jamais essayé un casque, et s'il voit ces deux trailers, il va dire bon bah c'est pareil, c'est même plus beau sur Quest 2 quoi. On peut pas vraiment faire un procès. Peut pas vraiment faire un procès non plus à MetaQuest de faire des pub et des trailers bullshit. Ah ben non, mais non. Surtout en mettant en face Sony. Ça a toujours été comme ça. Même rappelez-vous les trailers. Surtout en mettant en face Guerilla ou PS2. Il y en a plein. Hein. Oui. Il y en a plein. Ouais, parce que Guerilla, c'est Killzone. Ouais, c'était les Killzone. Ouais, c'est les ouais, Killzone. C'est ça. Là, c'était le cas d'école celui-là. Et ben donc du coup les trailers de Forbidden West, de Call of the Mountain, ben c'est Guerilla aussi. Mais surtout, c'est ce que j'en pense. Surtout que quand tu connais rien, bah tu as l'impression, ouais, t'as l'impression que le Quest 2 est quasiment aussi bien. Donc là après, c'est vrai que tu te dis merde, ouais, mais en plus le PSVR 2 il a un fil, alors que le Quest 2 il en a pas. Sauf que la puissance qui est derrière, bah, c'est pour ça on parlait de jeux. Il y a certains développeurs qui disent cash, non, moi je vais faire un jeu PC PS5. Ils s'orientent dans cette voie là. Ça les empêche pas de faire une deuxième version comme pour Medal of Honor sur le Quest 2, mais il faut dissocier, il faut que les chemins se séparent parce que ça va être compliqué. Et surtout que le PSVR 2, on l'a attendu pendant longtemps. Il va débouler, il y a beaucoup d'attentes dessus, il y a beaucoup de joueurs qui sont plus ou moins hypés parce qu'ils ont pas acheté le PSVR, mais ils se renseignent quand même parce qu'ils disent maintenant que j'ai réussi à avoir la PS5, je vais peut-être me renseigner sur ce PSVR 2. Et c'est pas le moment là pour l'instant, il faut en envoyer plein les mirettes quoi. C'est pas le moment d'envoyer des jeux trop légers parce qu'ils vont se faire défoncer. PS5, ils vont se faire massacrer. PS5, juste petite parenthèse, qui a pris 50 balles. Hein. Oui, qui a pris 50 balles. Cet été. On va en parler aussi. Voilà. Je parle aussi d'un autre jeu qui arrive aussi, c'est Mixture. Et c'est pareil. C'est Quest un 2 qui a pris 100 balles. Oui, MetaQuest 2. Je parle déjà. Et PSVR 2. Ah merde, je me rappelle pas. Donc, le Quest 2 a pris 100 euros. Hein, ouais, sur le iPhone 14 qui a pris 300 balles. Ouais. Non, mais ça, c'est tradition, ça, c'est chez Apple. Mais donc le souci il est là, c'est que quand tu es à la place d'un développeur et que tu annonces ton jeu à la fois sur MetaQuest 2 et sur PSVR 2, si c'est le même jeu, sur PSVR, sur Quest 2, il aura une bonne note. Sur PSVR 2, à mon avis, il risque de se prendre une méga mauvaise note au niveau des graphismes. D'ailleurs, soyez rassurés, ou soyez en tout cas prévenus, que quand on va commencer les tests des premiers jeux PSVR 2, on va être très vigilant là-dessus. Et je pense très peau de vache dans les notes, et surtout sans concession. Donc voilà. Nous, on espère, on aura le PSVR 2 à sa sortie. Et donc du coup, on va tout faire pour. On va tout faire pour. Mais surtout, on sera extrêmement exigeant quant aux productions qu'il y aura dessus. Et vu que sans se la péter, on a quand même un peu de bouteille. Et on a vu quand même depuis le début du PSVR ce qui était capable d'être sorti en réalité virtuelle ou sur PC. On va être extrêmement vigilant là-dessus. Donc voilà, c'est juste pour. C'est super important, c'est pour ça qu'on peut un petit peu bifurquer sur le prix, parce que le prix sera capital, parce que si le PSVR 2 fait un carton, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir, si admettons, il se vend 12 millions ou 15 millions de PSVR 2, les développeurs, ils vont faire... Day One, soyons fous. Voilà. Non, même pas des one. Faut les fabriquer, hein. Déjà. 15 millions. Non, mais je sais. 3-4 ans. Les développeurs, ils vont faire quoi? Ils vont dire, putain, on a 10 millions de Quest 2, on a 15 millions de PSVR 2, mais en plus, on a le marché de tous les PC, qui est énorme. Et les développeurs, ils vont faire quoi? Naturellement, ils vont développer sur le marché PC et Quest 2, et PSVR 2, parce qu'il y a plus d'argent à se faire. Forcément, le parc sera plus grand de ce côté cette fois. Prends les deux. Et du coup, l'avantage, c'est que les gens qui ont acheté un Quest 2, ils font peut-être les deux. Ça dépend. On parlait des petits studios et ceux qui n'ont pas trop, ils vont s'orienter. Et du coup, ceux qui ont le Quest 2 seront pas perdants parce que du coup, ils vont réussir grâce à ça à retrouver des jeux puissants sur PC. Et même s'ils n'ont pas de PC, ils vont peut-être pouvoir se dire, je vais m'acheter un PC parce que je vais pouvoir jouer à tel ou tel jeu que je peux pas jouer en autonome. Quoi. Donc en fait, tout le monde sera gagnant. Après, bon, les constructeurs se feront la guéguerre qui se font toujours, mais en tant que joueur, on sera tous gagnants si ça se passe comme ça. C'est pour ça que le prix est super important. Il faut qui se vendent comme des petits pains, ce PSVR 2. Parce que tout le monde saura. Alors, je te parle pas après si Sony le vend sur PC. Et donc, pour finir là-dessus, pour bifurquer sur le truc, c'est qu'il y a un autre jeu qui a été plus ou moins annoncé, c'est Bloody Hell Hotel. Un jeu tout mignon qui fait penser un petit peu comment il s'appelle, Transylvania, de Dracula, Hôtel Transylvania de Sony d'ailleurs. Il est cartoon, de Sony Pictures. Il est cartoon, mais je le trouve super joli en fait. Ouais, ce que j'allais dire. Il est magnifique. Il est magnifique. Enfin, ouais. Oui, il est pas simple et simple et coloré quoi. Il est un petit peu glauque. Il est magnifique. Cartoon, et on a vraiment l'impression d'être dans le dessin animé. Il est super beau. C'est un peu Tim Burton, ouais, au niveau de l'esprit. Donc on a fait un article sur celui-là. Et là c'est pareil. Les développeurs, donc le studio, c'est Unfold Games. Ils sont connus parce que c'est eux qui ont fait le jeu Dark. Qui avait été bien accueilli à sa sortie. Et eux, ils y sont allés un peu cash. Eux, on leur a demandé s'ils sortaient sur Quest 2. Ils ont dit non, mais le Quest 2, il n'est pas assez puissant non plus pour notre jeu. Donc non, il ne sortira pas. C'était un non cash. Quoi. Donc là, et là, pour l'instant, clairement, le studio, il vise le PSVR 2 et le PC. Donc c'est pour ça que c'est la bonne voie. Quoi, si j'ai bien compris, c'est un jeu plat à la base qui veulent ensuite porter en VR. Hein. C'est ça. C'est ça. C'est un jeu qui va sortir sur plusieurs plateformes en plat. Et la deuxième étape, ils le font en VR et PC et PSVR. Ça me fait peur, ça, un peu, parce que le nombre de jeux qui sortent en plat et avec un discours des développeurs en disant « Oui, mais vous inquiétez pas, il est prévu en VR. Rien que sur PC, sur Steam, Si le jeu marche pas... T'en as des tonnes et des tonnes. J'aime pas trop ce genre de discours, en fait. J'étais trop déçu, justement, par ce genre de truc. Visage, je l'attends encore. » Et puis il y en a un paquet comme ça, donc. Ben c'est ça. En tout cas, petits studios, ça a l'air si déjà. La version plate marche pas. Déjà, ça a l'air au niveau du trailer. Déjà, ça a l'air avancé. Hein. Ça a l'air plutôt avancé au niveau du gameplay. Tu vois bien que c'est de la réalité virtuelle. Donc c'est pas juste un discours comme ça pour faire plaisir à la communauté VR quoi. Ben il y a ça et le fait qu'ils ont quand même développé Dark. Il a été élu jeu de l'année à l'Overcom Festival en Californie en 2019. Il a un nombre de prix mais impressionnant ce Dark. C'est un petit jeu, hein. Dark, c'est pas un jeu qui est... Mais en tout cas, il est sorti sur toutes les plateformes et il a été super bien accueilli. Les développeurs, ils en ont sous le capot. C'est pas des banquignoles, hein. Tu vois le design du truc. Donc, on aime ou on n'aime pas le style, mais en tout cas, voilà à quoi pourrait ressembler sur PSVR 2 un jeu plutôt ludique avec des graphismes, on va dire, dessin animé, quoi. Et là, on voit la différence par rapport à un Job Simulator, par exemple. Donc voilà, c'est une bonne chose et j'espère que ça va continuer. J'espère que le PSVR 2 va bien se vendre et que Sony va pas envoyer des prix complètement débiles qui coûteraient 600 € ou même 550. J'espère qu'ils vont être assez intelligents pour le vendre moins cher, justement pour en vendre plus et justement redévelopper ce marché et relancer à la fois le marché PC, le marché PSVR 2. Et même le marché Quest, parce que il y a des Quests qui vont se vendre parce qu'on peut jouer à ce genre de jeu sur PC. Ouais, c'est vrai, le prix, c'est un gros point d'interrogation. Il y a eu aussi pas mal d'avis, je vais appeler ça des avis, dans des articles de sites, dans des tweets d'influenceurs, voilà, tout le monde a donné son avis là-dessus, nous y compris, hein, il y a pas de souci là-dessus. Le prix, bah dites-nous vous en commentaire ce que vous en pensez. À votre avis, vous sortez votre boule de Madame Irma et vous nous dites à quel prix. En tout cas, il y aurait une possibilité que le PSVR 2 sorte. Le prix plancher qu'il faudrait pas dépasser pour vous, parce que voilà, nous on a des petites idées, mais bon. Les idées, c'est que le trou. Bon, on en a déjà parlé plein de fois. C'est ça, mais les idées, c'est un peu comme le trou de balle, hein. Tout le monde en a un, donc. Ouais, tout le monde en a. Donc voilà, ça vaut ce que ça vaut. Donc voilà. Et est-ce que t'avais, t'avais d'autres news aussi, Lolo? Oui. Parlant du prix, on a fait un petit article dessus. Oui. Ou alors, bah, voilà. Ou alors. Il y a un article sur le prix. Excuse-moi. C'est la reprise, hein. C'est un peu brouillon. Voilà. Puis de toute façon, vous avez l'habitude parce que. Même quand c'est une émission habituelle aussi, c'est brouillon. C'est brouillon. Voilà, c'est ça. C'est un peu notre style, quoi. C'est la marque de fabrique, c'est ça. Voilà. Ouais, toujours médiocre. Nous, on est des brouillons. Toujours médiocre. Jamais au-dessus du moyen, tu vois. Voilà, jamais au-dessus du moyen. Voilà. Vie sur ses acquis, comme tu dis. Ouais, mais là, fais attention acquis, parce voilà. Que. Faut pas être trop bon. Alors, descends un petit peu d'un niveau. Alors, ouais, faudrait que je me bourre la gueule, par contre, parce que. Oui, on va alterner un petit peu. Majo, tu voulais nous parler un petit peu de ton nouvel abonnement sur PlayStation, parce que toi, t'es un gros jompi, donc. Exactement. Ouais. Alors, j'ai fait des choses pas bien dans ma vie, comme m'abonner au PS Plus Premium pour pouvoir avoir Stray pas trop cher. Ouais. Donc j'ai simplement, en fait, j'étais déjà abonné PS Plus, donc j'ai simplement transformé les 3 mois ou 4 mois qui me restaient d'abonnement en Premium pour avoir Stray en gros à 13 euros. Voilà, donc qui était inclus dans Je l'ai vu à 22. Qui était inclus dans le PS Plus Extra. Ouais, ouais, c'est pas même. Ouais. Donc, lui, c'est un vendu maintenant. Pardon. Et du coup, j'ai dit, ça sera l'occasion de tester le PS Plus Premium. Donc, je vais parler des jeux VR essentiellement. Alors, j'ai essayé Resident Evil 7 qui fonctionne. Mais surtout, j'ai vu qu'il y avait. Alors, on en avait parlé il y a quelques mois de ça, les jeux Ubisoft qui étaient justement, qui avaient leurs serveurs qui étaient fermés, donc pour Star Trek Bridge Crew et Space Junkie, mais pas sur les versions PSVR. Et en fait, je me suis aperçu que alors je sais plus comment ça s'appelle, c'est UbiPlay, je crois que ça s'appelle. En gros, est fourni avec le PS Plus Extra et Premium. Et du coup permet d'avoir accès à ces jeux sans surcoût, donc dans l'abonnement. Donc si vous faites partie des gens qui sont abonnés, qui avaient un casque et que vous avez jamais testé ces jeux, c'est quand même l'occasion de les essayer. Et on comprend aussi mieux pourquoi les serveurs PSVR n'ont pas été fermés, contrairement à ceux du PC. Voilà. Donc après, est-ce qu'on va rencontrer du monde sur Space Junkie en ayant que les versions PSVR, très je suis pas sûr. Très peu. Il y a tous les jeux, il y a Eagle Flight aussi qui est dispo. Enfin, tous les jeux Ubisoft qu'Ubisoft a développé, il y en a quelques-uns en VR donc sont dispo. Donc, profitez-en si vous le saviez pas, c'est je trouve une info intéressante. Et puis, j'ai aussi essayé de voir si on pouvait streamer des jeux VR, et non, bien entendu, ce n'est pas possible de jouer en stream avec les jeux VR, mais bon, ça, je pense que tout le monde le savait déjà. Mais pour confirmation, après les tests réels, c'est déjà pas facile de streamer un jeu plat, donc. Mais surtout avec ta connexion. Effectivement. Même en fibre. Fibré, ça passe pas trop mal. J'ai pas ressenti particulièrement de latence. Après, bon, j'ai pas joué à des jeux non plus trop compliqués. Mais voilà, donc du coup, si jamais vous êtes intéressé par ce genre de formule d'abonnement et que vous avez la possibilité de l'avoir, sachez qu'il y a quelques jeux VR qui sont disponibles dans cet abonnement. Alors, voilà. Histoire de clarifier les choses, je donne mon avis, plutôt crevé que de louer mes jeux, voilà, que ce soit Xbox, Game Pass, que ce soit PlayStation ou que ce soit qui que ce soit, ou Stadia, il est hors de question que je passe par un système d'abonnement de location de jeux. Donc moi je. Après, je comprends qu'une fois que tu y es goûté, c'est tentant de pas te désabonner. Hein. Mais je comprends, en fait c'est une solution de facilité, et puis c'est aussi dans l'air du temps, les gens n'ont pas forcément autant de sous pour s'acheter des jeux, pour etc. C'est compliqué. C'est quand même 140 balles par an, quoi. C'est cher en plus chez Sony, donc ça fait deux jeux. Donc voilà. Mais moi je voulais rebondir là-dessus, au-delà de ma haine pour les abonnements quels qu'ils soient, je voulais rebondir un petit peu sur Ubisoft. Moi j'ai vu, je vais raconter ma vie encore, j'ai vu un reportage sur Karnak, mais pas Karnak en Bretagne, Karnak en Égypte, sur la 7 ou la 5, je sais plus, et les vieux temples notamment que t'avais là-bas, et puis les reconstitutions justement de tous ces sites en 3D, et du coup ça m'a rappelé, ça j'en avais déjà parlé aussi, des modes discovery que t'as sur les trois derniers Assassin's Creed, donc Origins, Odyssey et Valhalla. Voilà. Et du coup je me suis dit putain, mais en fait c'est vrai qu'il y avait ce truc là et j'ai passé des soirées, j'ai réinstallé Assassin's Creed Origins et j'ai uniquement joué au mode discovery, donc en fait c'est une visite guidée en fait des gros sites. T'as Memphis, évidemment t'as le Sphinx, t'as les la pyramide de Gizeh, t'as plein de lieux, Alexandrie, le phare d'Alexandrie, et je me suis redit encore, Ubisoft, ils font de la VR, Ils sont pas contre la VR, c'est pas le genre d'éditeur qui va cracher dessus gratos parce que ça leur rapporte pas de pognon, ils s'en foutent. Ils continuent en plus. Ouais, ils continuent, et ils continuent aussi à faire des expériences et des jeux, notamment pour les salles d'arcade en réalité virtuelle. Ils ont de l'or entre les doigts, ils ont les modes Discovery, ils ont des cartes de fou, des modélisations avec des recherches historiques de Barjo sur leurs jeux, qui sont utilisés, et je trouve que c'est du gâchis uniquement pour du jeu vidéo. Alors qu'ils pourraient faire justement allier leur expérience en réalité virtuelle et dans tout ce qui est historique et en modélisation quand ils ont refait justement des jeux, des lieux en fait à certaines époques, par exemple la reconstitution de Notre-Dame de Paris, c'était un truc incroyable le travail qu'il y avait derrière. Là, tout ce qui est en Égypte, tout ce qui est la Rome antique, enfin la Grèce antique que tu vois dans Odyssée, pouvoir le visiter en réalité virtuelle et avoir le même truc Discovery où tu apprends des choses, où tu visites des lieux, tu vois, qui sont chargés d'histoire, qui c'est passionnant, et pouvoir le faire en réalité virtuelle, moi ça me rendrait fou, hein. Moi, je passerais... ce serait une très bonne expérience pour des musées ou des salles d'arcade. Mais carrément. Ce serait vraiment des trucs qui se vendraient très bien, qui seraient très bien acceptés de la part de la populace, quoi. Enfin, des alors clients, moi, j'irais même plus loin. J'ai un de mes meilleurs potes qui est d'ailleurs qui adore les Xbox, qui s'appelle Sébastien, qui a un doctorat en histoire. Donc, il est prof en fac. Et lui, en fait, il se sert du jeu vidéo justement. Donc, il enseigne à la fois dans le collège, lycée, et puis fac, et il se sert du jeu vidéo et notamment des Assassin's Creed justement pour impacter les élèves, et il s'aperçoit que ça marche énormément bien. Ah bah, tu m'étonnes. Et par exemple là il est à fond sur la VR en ce moment, c'est pour ça qu'on est pas mal en contact, parce que il voudrait présenter quand il parle par exemple je sais pas moi on parlait tout à l'heure de Constantinople, enfin plutôt Istanbul aujourd'hui, des reconstitutions qu'il y a dans Assassin's Creed, pouvoir les visiter avec un casque VR alors que tu as eu un cours dessus, et en plus que c'est génial. Pendant une heure les élèves ils peuvent visualiser, c'est ça génial. En vrai, mais ça te rentre dans la tête. Et le gamin il a appris son cours, quoi. Ça existe déjà sur certains sites de ruines archéologiques, où tu as des retranscriptions justement avec des casques VR autonomes. On est plus sur de la réalité augmentée que de la réalité virtuelle, mais c'est quelque chose qui déjà aussi est ancré dans les mœurs des gens, si tu veux, où c'est possible, et surtout qui fait ses preuves. Et sur Oculus notamment, t'as le tombeau de Nefertiti qui est disponible, t'as la grotte de Chauvet aussi qui est disponible, t'as plein de trucs comme ça. Et en plus, ce qui est bien dans les jeux Ubisoft et dans les modes Discovery, c'est qu'ils sont assez transparents justement quand ils font des petites modifications. Par exemple, quand tu rentres dans la pyramide de Khéops, ils disent, alors normalement, voilà, ça c'est un tunnel d'accès, c'est l'accès des voleurs en fait, parce que là... La porte principale a toujours été scellée. Là, normalement, le couloir, il fait juste 1 mètre de haut et puis 1 mètre de large. Mais du coup, pour le gameplay et pour fluidifier le gameplay, on a décidé de l'agrandir. En plus, ils sont super transparents là-dessus. C'est-à-dire que quand il y a un truc qui est complètement anachronique ou qui a été changé pour des histoires de gameplay, ils le disent. C'est plutôt honnête de ce côté-là. Et je trouve, j'ai repassé des super soirées sur ce mode Discovery là, et ce truc là il le faut en VR, il le faut. Ah mais Origins était était vraiment extraordinaire pour ça, pour la reproduction, l'environnement, l'univers, enfin ils s'étaient énormément inspirés de The Witcher. Et ils avaient réussi à adapter ça d'une très très bonne manière pour ce Assassin's Creed Origins. Mais oui, complètement, le Discovery tour en VR. Ubisoft a pris un virage pour ces trois derniers Assassin's Creed, mais moi j'ai complètement plané sur Unity quand j'ai vu Paris à la Renaissance. Pendant la Révolution. On parle pas de la qualité du jeu. J'ai halluciné. On parle pas de la qualité du jeu qui était pété de bugs. La reconstitution de la ville, ça en VR, rien que ça, se balader et le transformer dans une petite application. Juste pour faire découvrir aux gens comment c'était à l'époque, mais c'est une tuerie. C'est pour ça, j'en parlais avec ma copine et je lui ai dit, mais c'est presque dommage que ce soit utilisé uniquement pour un jeu vidéo, ce truc-là. Ouais. Quand tu vois même rien que l'agriculture de l'époque, en fait, quand il pose une pierre, quand il pose un instrument, les systèmes d'irrigation, en fait, ils modélisent pas ça comme ça à l'arrache en mode random. Non, c'est qu'ils ont étudié le truc avec des chercheurs, des historiens. Parfois, c'est juste de la théorie, une théorisation. Et pareil, ça aussi, ils le disent. Et puis voilà, ils en parlent. Et quand tu passes à cheval entre deux assassinats en galopant, tous ces détails-là, en fait, tu les vois pas. Et c'est vraiment quand on te met le nez dessus et que t'as une petite un petit truc lumineux qui t'explique un petit peu tout ce que c'est, tout ce que t'es en train de regarder, c'est génial quoi. Donc voilà, Ubisoft en tout cas, faut vraiment pas qu'ils lâchent la VR et il faut même qu'ils ils ont vraiment quelque chose potentiellement de très très intéressant. Le travail est déjà fait, donc c'est tellement, je dirais que c'est presque facile à adapter dans une petite application qui sera pédagogique. Donc au final, c'est ce que j'allais dire. Un parent va acheter ça, même 30 balles ou 20 balles, il va dire putain mon gamin il va regarder ça, il va apprendre des choses, et les écoles peuvent s'en servir, et c'est génial. Alors le gamin de plus de 12 ans. merci Mathieu. Comme ça j'ai pas eu à le faire. Donc voilà, c'était une petite parenthèse. Attention, il est déconseillé de boire de l'alcool. C'est ça. Là non plus, t'as pas besoin de le faire. C'est bon. Allez, c'est ça, bon. A été gratuite. Bon, enfin voilà quoi. Okay. Du coup, tout ça pour parler de l'extra. Je suis à fond sur cette idée. Ok. Voilà. Et ben, j'ai fini avec mon aparté. Merci, cher Majo, de nous avoir donné ton avis là-dessus et de nous avoir dit que t'étais un vendu qui aimait payer des abonnements pour enrichir les grosses entreprises. Je te rassure, salaud. J'ai prévu de l'enlever avant le renouvellement. On dit ça et après on dit ah ouais, je me désabonnerai peut-être le mois prochain. Non, j'ai suffisamment de jeux dans le PS Plus classique que j'ai toujours pas fait donc c'est bon, franchement. Je sais que j'y jouerai pas. Je préfère les acheter, me les mettre sur le coin. On en parlait, tu vois, il y a pas si longtemps. Garder sous blister et puis c'est pareil en fait. Exactement. J'achète beaucoup de jeux, je me les mets de côté et puis j'y joue quand j'ai le temps. Je me dis bon, ben voilà, je vais commencer celui-là et puis basta. Parce qu'après, voilà, il y a toujours le principe de si ça se trouve, le jeu il sera plus dans un an, deux ans, donc je pourrai jamais le faire. Enfin voilà. Que je préfère avoir ma boîte sur le côté toujours. Non, c'était juste un essai. Même Stray d'ailleurs, il n'est pas exclu que je l'achète en boîte un peu plus tard. Très très bon Stray. Malgré le fait de l'avoir. Très très sympa. Très très original. Sympa. Très original et un jeu avec un petit chat, c'est toujours bien. Simple mais original. Mignon et puis bien amené. Sympa jeu. Laurent, je te laisse continuer. Oui. Sur ta lancée. Eh ben, juste pour reparler du prix, le prix du PSVR, c'est un article qui a vraiment bien marché sur le site. Ça a fait plaisir. Pourquoi ? Parce qu'on s'aperçoit qu'il y a quand même pas mal de monde qui ont. On n'arrête pas de dire que la PS5 elle se vend mal. Il y a eu des soucis, tout le tralala, mais il y a quand même déjà pas mal de monde qui ont réussi à avoir une PS5 dans le monde et aussi en France. Et on s'aperçoit que le PSVR2, quand même, les gens sont curieux, ils s'intéressent au prix, ils veulent savoir quand est-ce qu'il va sortir, ils se posent des questions sur le sujet. Donc ça fait plaisir. Et donc le niveau du prix, on a eu un petit peu tout. On a eu des gens qui l'ont annoncé à 650, voire il y en a, j'ai même vu des 1000 euros des fois. Donc, sur eBay, On sait que. Ça par contre, on y aura droit. Disons que le prix, si on veut rester crédible toujours dans la logique de tout à l'heure, quand on parlait que c'était dans l'intérêt de tout le monde qu'il se vende bien ce casque, c'est sûr que si le casque il sort à 600 balles, il va faire un bide sur PS5. Et il fera un bide de partout d'ailleurs. Peut-être sur PC il se vendrait peut-être un peu mieux, mais encore ça va pas être terrible. C'est pour ça que quand même avec l'augmentation, il faut savoir que le PSVR n'a jamais été vendu à perte. Sony gagnait de l'argent sur son PSVR malgré qu'il était vendu à 399 €, mais c'était 399 € le prix d'appel, parce que là-dessus on était obligé d'acheter une caméra à 80 balles et des PS Move à 80 balles. Quand tu les trouvais, faisait quand même un casque à 560 € le PSVR, donc c'était quand même pas donné. Sauf qu'en face, t'as quand même un Quest 2 qui est à 449,99 €. avec les deux manettes. Donc, pour moi, c'est ce prix-là qu'il faut viser. Surtout que il faut arrêter. Alors, il y en a plein qui disent avec la technologie du PSVR 2 qui est 100 fois mieux que celle du Quest. Je suis pas tout à fait d'accord avec ça, parce que certes il y a l'eye tracking qui pour l'instant est pas bien développé. Par contre, l'eye tracking, c'est quoi? C'est deux caméras infrarouges qui sont situées, qui vont scanner vos, qui vont regarder les yeux, et un logiciel. Ben, donc, on va dire c'est pas ça qui coûte. Ce qui coûte le plus cher, c'est la dalle. De toute façon. Ah, ce qui coûte cher, c'est l'écran. Boum, ça c'est 70 balles, 80 balles dans le prix d'un casque, ça c'est sûr. Peut-être même pas loin des 100 balles, ça dépend des écrans. Et en deuxième, ce qui coûte cher, eh ben, ça va être la batterie, ça va être la mémoire interne, donc 128 gigas quand même qui sont intégrés dans le MetaQuest, pour le Quest 2, ou 256. Ouais, dans le MetaQuest 2 ou 256 gigas. C'est marrant d'ailleurs ça, parce que entre un Quest 2 de 128 gigas à 449,99, si on passe à 256 gigas, on a 100 balles de plus juste pour 128 gigas. Apple style. Sur le prix de vente du casque. Apple style. Donc oui, bien sûr, mais je pense pas qu'il marche tant que ça. Hein. Zuckerberg l'avait bien dit que sur ses Quest, quand il les avait lancés à 339 même, je crois que c'était tombé, à 339€, il disait qu'il gagnait rien. Et je le crois. Il devait pas gagner grand chose. Parce que un Rift tout seul, je crois que le prix de fabrication, il tournait autour des 200€. Mais là-dessus, c'est juste le prix de fabrication. Il faut rajouter le développement, parce que Facebook, ils ont de la recherche et développement, comme Sony. Et puis en plus, il y a tout le marketing derrière. Donc au final, vendre son casque 339€, il le vendait peut-être à perte, mais en tout cas, il ne gagnait pas un centime dessus. Le marketing aujourd'hui, est-ce que ça vaut réellement de l'imputer dans les coûts de fonctionnement? Enfin, est-ce oui. que tu crois que c'est si énorme maintenant? Bien sûr. Depuis Covid, est-ce que tu penses que c'est toujours aussi énorme les coûts marketing? Bien sûr. En sachant qu'il n'y a plus de salon physique, ouais. Ah oui. Donc il n'y a plus de location d'espace, il n'y a plus de déplacement physique, donc de paiement de billets de train ou d'avion ou tout ce que tu veux. Tu penses Je te ramènerai ça au cinéma quand tu regardes les budgets de d'un film et les budgets de communication pour vendre le film. Ou des séries, hein. Mise en place de trailers. C'est énorme. Plus envoi de matos, je sais pas, à des influenceurs justement, à des invitations dans des salles spécialisées, des passages en télévision. Des fois, ils sont obligés de payer parce que c'est de la promotion. Je pense que les salons, ils sont pas toujours invités. Les salons, Majo, c'est pas ce qui coûte le plus cher. C'est pas ce qui coûte le plus cher dans le marketing. Ok, ça coûte une couille d'avoir un stand. Quand tu vois que, mais même un trailer, quand tu vois qu'une campagne de promo, enfin remarque, c'était pas un salon. Ton trailer, faut le faire. Sur internet. Et ton trailer, faut le faire. Pour le diffuser, enfin, je crois diffusion, que c'était au Game Awards, voilà, où c'était genre 300 000€ les 2 minutes ou un truc comme ça. Enfin, j'avais lu ça quelque part, ou dollars, enfin. Ce que je veux dire, c'est qu'avec les moyens d'aujourd'hui, avec YouTube et tout ce que tu veux, pour moi, la com, elle est totalement différente et le budget de la com n'est pas du tout le même, quoi. Parce qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, ça coûte rien. YouTube, quand tu mets une vidéo dessus, ça te coûte rien. Et après, tu te fais en fonction de, enfin, tu te fais ta promo en fonction de ta communauté. Donc, non, tu peux. Je pense que je pense pas qu'ils basent ça uniquement sur leur communauté et sur le bon vouloir de leur communauté. Ça serait vraiment extrêmement, ça serait un petit peu risqué, quoi, de faire ce genre de choses là. Non, mais quand je parle de leur communauté, ça reste quand même des produits et des vidéos qui sont virales. Après, tu as effectivement la partie influenceur où, il y a des produits qui sont envoyés aux influenceurs, mais est-ce que tu crois que ça coûte réellement aussi cher d'envoyer un casque à, on va dire, à 500 personnes, pardon, pour en faire la promo, que d'aller faire de la visite, d'aller faire des plateaux télé ou tout ce genre de choses. Enfin, envoyer 500 casques à des youtubeurs, c'est gratuit à côté. Et ben voilà, donc c'est ça. C'est pour ça que je te dis, aujourd'hui, le marketing, pour moi, il est quand même un peu moins important que ce qu'il était à l'époque. En exemple, j'ai eu l'occasion de faire un petit spot publicitaire pour une boîte qui je vais rajouter qui un passait truc un spot de 6 secondes qui passait avant les 12 coups de midi sur TF1, je crois. Je crois que c'était TF1. 6 secondes, 6 secondes avant les 12 coups de midi, c'était déjà 130 000€. Putain. La télé c'était très cher. Je m'en rappelle aussi, pour mon ancien taf. Enfin bref. Du coup, pour terminer mon raisonnement, la com du PSVR 2 aujourd'hui. coûte rien. Bah, d'accord. Déjà, tu parles de la com. Non, mais on est d'accord. Tu parles de la com ou de la communication. Pour l'instant, la com et la communication, elle coûte rien. Elle se suffit à elle-même, on est d'accord. La hype monte. Ces trois billets de blog, c'est un article fait dans un journal X ou Y qui a peu de... Enfin, qui n'a pas énormément de renommée, qui va se servir de ça pour se faire de la renommée. Donc, c'est un peu l'équivalent de payer les gens en vue à l'époque des débuts de YouTube. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Je pense que la com a pas commencé. Je pense que la com, vraiment, la com marketing du PSVR 2 a pas encore commencé. Parce que finalement, à part des articles sur. Alors, on a la date. Alors, on a la date. On a le visuel du casque. On a les infos techniques. Ça, c'est les infos techniques. On a les jeux. Oui. On a. Bah mais, oui, mais, on la a com, les jeux. Mais la com, donc, elle a pas commencé. Est-ce que t'as déjà vu un trailer officiel, de ce déjà, jeu oui. voilà. sur le PSVR 2, il y en a pas? Non. Bah si, sur la chaîne de VR4 Player, on l'a pas. Non, d'accord. Ah ben celui-là, il a coûté zéro. À part des fakes, ça existe pas, en fait, justement. La com n'a pas encore commencé. De visuel, un trailer visuel 3D, je suis d'accord, ça existe pas, mais bon, après, je pense pas que ça soit ça de toute façon qui va coûter le plus cher, parce que le trailer, ils vont le diffuser sur leur chaîne YouTube. Tu rigoles? Donc, dans tous les cas. Tu rigoles, ça va coûter une blinde. Bah oui. Non mais à la production, d'accord, ça va coûter un peu d'argent parce qu'il va falloir payer quelqu'un pour le faire, le trailer. Mais ce que je veux dire, c'est que la diffusion elle-même du trailer, elle va rien coûter. Ils vont la mettre sur leur chaîne, sur leur réseau. Mais ils ont déjà suffisamment de. Mais ça suffira et pas. Et sur le PS Blog. Oui. Et ça suffira pas. Ils vont la passer à la télé. Mais bien sûr. Ils vont la passer à la télé. C'est des contrats. Tout à l'heure, je parlais de 6 secondes, 120 000 euros. C'était pas un passage. Hein. C'est tu passes ton spot pendant un mois. Tu sais à quelle heure ils passent les spots télé jeux vidéo? Ils passent la nuit. Sur Gulli, Nintendo, c'est toute la journée. Hein. Ouais, mais Nintendo, parce que c'est plus à destination des gosses. Là, on parle de la VR. La VR, c'est 12 ans et plus. Je te rappelle, ça y a pas vraiment oublié. Excuse-moi. Vous avez vu la qualité des publicités Sony, depuis que Sony existe, c'est bien souvent des réalisateurs qui sont derrière. C'est des trucs qui coûtent une blinde. Et même sur le PSVR, il y a des trucs qui en ont envoyé. Mais je te dis, depuis la période Covid, le démat, ils en font. Et tu le vois de toute façon. Ouais, mais beaucoup moins. Enfin, Laurent, sérieusement. Et je t'assure, moi quand je les vois diffuser en général c'est le soir, c'est tard le soir ou la nuit, parce que ils savent que la cible en question c'est plus la nuit, et la nuit en général ça coûte moins cher, tu vois. Avant Noël, des spots publicitaires, ils vont en balancer. Si le machin il est commercialisé après Noël, début 2023, des spots ils vont en faire, c'est obligé. De toute façon, je reste persuadé que les budgets coûtent quand même moins cher maintenant que ce que ça a pu être il y a 4, 5, 6 ans. Ça, je sais pas. Ça, je sais pas. Mais en tout cas, je reste persuadé que la com marketing, ou plus précisément la pub pour le PSVR 2 n'a pas encore commencé pour Sony. Mais la com a commencé. La com marketing n'a pas commencé encore. Oui, il commence à en parler un petit peu, mais le marketing n'est pas lancé encore. Et là, c'est des millions qui partent. Parce que quand on aura un stand sur Lyon pour un salon pendant 3 jours, un beau stand, un stand avec 2 étages comme il y avait pour le PlayStation Games Week. C'est 270 000 euros. C'est plus du tout. C'est quoi le dernier événement physique où s'est retrouvé PlayStation physique, oui. Et en plus, oui, mais, on en mais parle, attention, je sais attention. Même pas s'ils sont au Tokyo Game Show. Oh, des vernissages, des vernissages sur Paris avec des influenceurs, des trucs un peu plus off, à mon avis. Il doit y en avoir encore, mais une soirée des parties fines avec imagine de la coach te donne encore un paquet, je pense. Imagine rien, en parler de Fortnite, imagine ils veulent faire un truc de Fortnite et ils veulent que Ninja parle de Fortnite, et ben Ninja derrière il va demander combien, il va pas demander 100 balles hein. Rien que lui il va taper le million rien que pour parler de son truc quoi, que... le monde est demandez monde fou on va le faire peut-être gratos. Pas un million non, mais pas gratos. il va demander cher quoi. Voilà. On a moins de vues. On en est pas là. Ouais, un peu moins quoi. Ouais, c'est... je reste persuadé. Mais par contre, on ne parle que du PSVR. Donc on leur fait de la pub tout le temps. On a moins de vues, mais sur 5 ans, ça en fait des vues. Ouais, mais on dit des fois, vu qu'on dit aussi que Sony, des fois, ils sont pas clean. Factuellement, faut dire la vérité aussi. Après, il n'y a pas que nous qui le savons et qui le disons. Enfin, ils ont leurs antécédents, ils continuent à faire de la merde. Bon, mais voilà, après, ça n'engage. Enfin. Si tu veux, ça n'engage pas la qualité de certains produits ou d'accessoires qu'ils vont faire. Après, la politique commerciale, on l'aime ou on l'aime pas, mais C'est comme Apple, tu vois, on en parlait. Bon, ben voilà, tu disais d'une itération à l'autre ou d'un téléphone à l'autre parce que là, le stockage augmente, ben c'est 100 euros plus cher, tu vois. Enfin, c'est après voilà, c'est du marketing, c'est les boîtes, elles sont comme ça. Ben Microsoft, c'est l'imposition, tu vois. Enfin, chacun a ses méthodes commerciales et ses problèmes. Personne n'est tout blanc. La personne petite crotte de nez balancée comme ça, pio, snipe. C'est pas mal. Tu vois ce que je veux dire. Enfin, chacun, voilà. Mais Apple, ils diminuent les durées de vie de leur batterie. Enfin, voilà. C'est tous des enculés. Ils sont là pour faire du pognon. De toute façon, ils sont tous pareils. Mais dans tous les cas, voilà. Après, ben, t'adhères à une politique ou t'adhères pas. Enfin, ou au produit, du moins que tu recherches, ou non. Mais c'est fin. Faut arrêter de se dire que y en a un qui est plus méchant que l'autre. Non, mais ça c'est de la connerie. Hein, ah si. Non mais non, Lolo, ils sont tous pareils, Lolo. Arrête. C'est l'objectif premier, ça reste quand même de faire. Mais si, l'objectif premier, c'est les entreprises. Ça reste quand même d'être. Le but, c'est d'être rentable. Ah ben oui. Par contre, là-dessus, je suis pas d'accord. C'est que le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens maintenant qui veulent que tout soit gratuit. C'est bien de payer. Dont les podcasts. Tu payes 10 balles, t'as 150 jeux. Non, mais tu payes un abonnement 10 balles et t'as 150, 200, 300, 400, 500 jeux. Dans le principe, c'est que les gens maintenant sont habitués finalement à ne donner pas grand-chose pour avoir quelque chose. Et ça, par contre, n'importe quelle entreprise, il faut qu'elle fasse du bénéfice. Zuckerberg, quand il a mis son Quest 2 en vente sans faire aucun bénéfice dessus, son objectif c'était justement de gagner de l'argent sur son store et relancer son store. Bon, là maintenant les prix ont augmenté, mais il faut arrêter de dire c'est dans l'article sur les prix. À un moment je parle du prix des composants, mais à chaque fois, par exemple, on parle de la manette Xbox qui est indiquée justement à $18 à fabriquer la manette seule, hein, sans le packaging. Derrière, c'est des manettes qui sont vendues 60 balles. La DualSense, je suis sûr qu'elle coûte pas $18 à fabriquer parce qu'elle a beaucoup plus de choses dedans et la marge est réduite. Donc après, les gens, quand la première réaction, c'est putain, la manette, elle vaut $18. Moi, je la paye 60 balles, c'est du vol. Mais derrière, il y a des gens qui ont travaillé pendant des années pour fabriquer une maquette, pour fabriquer un prototype. Après, il faut le fabriquer, il faut faire des moules, il faut faire des machins. Et derrière, il faut que la boîte, elle gagne de l'argent, parce que sinon, elle coule. Donc, ça me choque pas particulièrement, mais j'ai l'impression qu'il y a cette tendance-là maintenant que si c'est pas gratuit ou donné ou à 20 balles, les gens, ils chient dessus. C'est que t'es un vendu. Et encore plus en VR. Parce que quid du prix des futurs jeux PSVR 2 oh. Parce que si c'est des exclus à 80 balles, ça va gueuler. Mais est-ce que la ralade sera justifiée? Est-ce qu'on peut vraiment compter le prix d'un jeu comme étant valable dans son évaluation et dans sa notion? Est-ce que le jeu vidéo est de l'art? Est-ce de l'art? Voilà. Oui, on en vient à des choses comme ça, ouais. C'est vrai. Bien sûr que le prix d'un jeu est important par rapport à sa qualité ou sa durée de vie. Mais voilà, enfin comme on dit, on crache. On parle tout le temps d'argent en fait dans cette émission. On est très très vénal. Ouais, c'est vrai. On crache sur on parlait du prix du PSVR 2. Donnez sur Tipeee. Ouais, donnez-nous de l'argent. Je vais vous jeter le lien ici, voilà. Alors abonnez-vous là et puis donnez des sous, voilà. On crache sur les petites prods techniques qui sont visuellement pas très belles, mais on dit aussi dans l'autre sens que les devs qui ont pas beaucoup de budget, ils sont obligés de fonctionner comme ça. Oui. Mais du coup, pour accepter ça, il faut, pour accepter d'avoir des jeux qui sont plus beaux, il faut aussi accepter de payer plus cher parce que plus de temps de développement et plus de moyens mis en œuvre pour faire des jeux qui sont plus beaux. Et c'est aujourd'hui aussi le problème qu'il y a avec le modèle économique des abonnements, des jeux par abonnement, où on voit combien coûte un jeu comme Last of Us 2. Après, il y avait eu quand même un peu de mon point de vue, il y a un peu d'exagération au niveau de la campagne marketing qui a coûté plus cher que que le développement lui-même. Trouve qu'il faut un peu... J'entends rien. T'as compris quoi. Ouais. Ah merde, donc, j'ai un casque, je peux pas. Après, il y a deux poids, deux mesures, si tu veux. Mais faut aussi se dire que forcément, si les jeux sont plus ambitieux avec des moyens techniques qui sont meilleurs, forcément, le jeu risque de coûter plus cher. Et nous qui sommes habitués à des jeux VR, parce que je me souviens, ça va être encore un débat, mais nous qui sommes habitués à payer des jeux VR 30, 40 balles. Robinson The Journey, 60 balles. Alors, Je pensais pas à lui, non, je pensais à Skyrim. C'est pas vrai. Si, c'est vrai. Je l'ai payé 30 balles, 40 balles. Je pensais à Skyrim VR qui est sorti à 70 balles le jour de sa sortie, donc qui est exactement la même version que la version PS3. Ressortie donc bah, pour la VR, adaptée entre guillemets. Et vous savez pourquoi j'ai payé Robinson 40 balles Parce que tu l'as acheté 6 mois ou un an après sa sortie. Non, je l'ai acheté, je l'ai commandé peut-être 6 mois avant sa sortie et il était affiché à 40 euros. Et quand il est sorti, il est tapé à 60 et du coup, ils me l'ont fait au prix qu'il l'avait affiché. Oh, c'est arnaque. T'es un petit malin, toi. Non, mais enfin, bon, voilà, tout ça pour dire que mais dans tous les cas, il va falloir payer. Enfin, on espère payer le prix juste pour ce casque, mais effectivement, pas au-delà de 450 balles. Puisque bah, c'est le prix du Quest. Au-delà, 425, 429,99. Allez, ouais, c'est ça. Vendu. 449, non, mais pas 405, 449,99. 449,98 si tu veux, sur certaines enseignes, prix conseillé, TTC. Par contre, je pense que j'ai 1200 balles par les scalpers. Ouais, ça par contre, et ça c'est sûr, et ça me fait grave chier. Ouais. Parce que là. Bon, moi, ça m'intéresse pas des masses, mais sur le Discord en interne, vous balancez les prix des. Enfin, si, moi, j'en ai balancé aussi les prix des versions collector de certains jeux, par exemple Last of Us Part One, le remaster. Là. Non, c'est ce que tu vas dire. Le remaster là, qui est vendu déjà beaucoup, la Fire. Le remaster ou le remake. Remaster. Remake. C'est un remaster. Remake. C'est un remaster. Remake. Non, le remaster. Non, c'est un remake. Le remaster, c'est pas mal. C'est un remake. C'est presque un remake. Le Firefly Edition, là. Un remake tout né. Que tu trouves maintenant à 1500 boules. 1500 boules pour le jeu de merde. Parce que c'est un jeu de merde, Last of Us Part 1. Laurent. Et, non, je déconne, hein, j'adore. Respire. Ça va se passer. Et c'était quoi c'est mon sac. Et c'était quoi? C'était Hogwarts là que vous avez envoyé cet après-midi qui est, ouais, Hogwarts Legacy ouais. Qui a 300 euros. Alors la collector est affichée à 300 euros avec bon ben le livre, la baguette qui tourne. Et tu trouves déjà 500 quelques lithographies, voilà. Et en fait, j'ai partagé le lien sur le groupe pour parce qu'il me semblait que El Rocco voulait le commander. Et donc j'ai partagé le lien. Il venait d'être publié il y a 32 secondes. Et donc je suis retourné voir 3 minutes après la publication. Il y avait déjà plus rien sur la version PS5. Alors il y avait des collecteurs dispo pour les Series S, PS4 et Series X, mais la version PS5 était out. Et en fait, on l'a retrouvé déjà donc, sur eBay, où c'est El Rocco qui nous a envoyé des screens. Et elle s'est retrouvée à 500, 600, 700 balles, 1000 balles, je crois même, elle est montée. C'est débile. Et, c'est débile. Ce qui veut dire qu'il y en a qui achètent. Bah oui, forcément, bah, comme il y en a qui achètent les consoles au prix fort. Mais voilà, après, comme on dit, c'est tant que des gens achèteront, comme tu dis, Laurent, ça existera toujours. Mais bon, c'est vrai que c'est quand même compliqué de voir qu'en plus c'est double effet parce qu'on parlait justement de la collector de Dark Souls où El Rocco nous a montré ce qu'il avait eu justement pour la collector de Dark Souls pour le même prix. Et en fait, c'est le contenu est bien plus conséquent que ce qu'on peut avoir sur Hogwarts. Donc déjà pour tous les fans de collector, ça peut déjà un peu râler. Mais en plus, le fait que les scalpers achètent ça de suite, les mecs ils voient que ça se vend. Donc ça montre en plus un effet de succès sur ce qu'ils proposent. Et donc ça les incite à continuer. Parce que finalement, il n'y a pas de CD. Enfin, c'est toujours le même problème, quoi. Enfin, c'est des trucs. Aujourd'hui, ce qui fait la collector, en fait, c'est le livre et la baguette, quoi. Voilà, tout simplement. Après, le reste. Ça reste quand il y a le CD dedans. Et pour 300 balles, c'est vrai que ça fait un peu chéros, quoi. Donc après se le retrouver à jusqu'à 1000 balles, enfin c'est même plus cher que la PS5 à l'époque où elle était revendue scalpée pour certains prix. Enfin c'est quand même aberrant, quoi. Voilà. Mais ça c'est plus un problème de société en ce moment de démerde. C'est un problème qu'on va même pas commencer à effleurer ici parce que c'est pas notre rôle. Ni quoi que ce soit, mais en tout cas, c'est... Non, on est concerné quand même par le souci. Bien parce sûr. Que si jamais on est intéressé par ce genre de choses, malheureusement, c'est le genre de problème auquel on peut se retrouver confronté. Bien entendu, et on peut vous l'avouer, quelque chose qui, moi, personnellement aussi, m'inquiète pour la sortie du PSVR 2 en tant que VR for Player. Donc voilà, après, on verra comment ça va se passer. Mais oui, donc du coup, on va essayer quand même de. Parce que là, je vous avoue que pour chapitrer la vidéo sur YouTube, je pense que je vais en chier parce que On digresse depuis tout à l'heure, ça part. Un chapitre toutes les 10 minutes, ça, pardon, c'est la rentrée. Je vais faire un petit peu le classement à l'ancienne. On était où? Est-ce qu'on est toujours dans le prix du PSVR 2? Je sais même plus, je crois que je vais faire un truc. Ah bah on est dans l'argent. Chapitre divers, tu vois. Chapitre divers, voilà. Je vais faire ça. Parlons fric. Alors, tu voulais du coup, t'étais encore sur le prix ou le prix c'est bon la donner la finalité du truc c'était de dire que le Quest maintenant il a un prix d'appel à 449,99 et qu'il serait bien que Sony s'en écarte pas parce que s'ils sont au-dessus ils vont se faire fracasse parce qu'ils ont un fil. Et puis surtout en production, on parle toujours de marge. Le Quest 2 a même à 100€ de plus vu les composants qui ont augmenté. Ça c'est pas une connerie, c'est vrai. Du coup 449,99. Même là, ils font peut-être une petite marge, mais ils doivent pas faire grand chose dessus. Donc là, c'est sûr que s'ils nous balancent un casque à 500 balles, ça va tailler sec. On n'aura même pas besoin de le tailler, nous, c'est Internet qui va s'en occuper, parce qu'il y aura un fil, parce que plapati, patata, et puis c'est pas avec l'eye tracking qu'ils vont se récupérer, parce que deux caméras infrarouges, ça coûte pas très cher, en fait. Donc voilà. Donc, le prix visé, ça serait même bien qu'il soit 10 balles en dessous, ce serait bien, parce que du coup, ben, il serait bien placé niveau prix, tout en sachant que la PS5 a augmenté de 50 balles, du coup ça ferait 100€ d'écart entre un PSVR 2 et une PS5, ce qui serait relativement correct. Mmh. Voilà. Donc niveau prix, c'est... Et bien sûr avec les DualSense, les Sense contrôleurs à l'intérieur. Inclus. Ah oui. Enfin, c'est pareil. Ah oui, s'il vous plaît. Inclus. Non, ça c'est obligatoire. Ça. Oui, c'est clair. Non négociable. Mmh. On met notre veto là-dessus. Ensuite, qu'avons-nous ? Ah, la meilleure news de la semaine. Qui c'est qui veut en parler, tiens ? Firewall Ultra. Ah, je me souviens, Majo, avec beaucoup d'émotion, la première fois où je t'ai rencontré. C'était sur ce jeu. Branlé. Tu m'as baissé le pantalon et tu m'as mis une bonne grosse fessée. Oh, j'étais pas tout seul. Et ouais, t'étais pas tout seul. Travail d'équipe. Il y avait Herbie aussi. T'as pris cher. J'ai pris cher, ouais. 9. Il y avait Herbie, il y avait Okami. PSVR. Il y avait Herbie, ouais. Et je me suis dit, ce mec-là, c'est vraiment un connard. Donc, voilà. Bien vu, voilà. Bien vu. Et donc, je ne m'étais pas trompé. Bah, tu veux en parler, Mathieu, du coup, de cette news? Si vous voulez, il y a quelques temps de ça, on avait eu First Contact, qui avait tweeté qu'ils avaient des choses à partager, mais que finalement, ils ne pouvaient pas les partager, qu'ils s'étaient retardés. Ça m'énerve, ce genre de truc. Ils avaient des choses à dire, mais ils ne pouvaient pas le dire. C'est des trucs qu'on ne peut pas dire. Bah, tais-toi, ta gueule. Pour X ou Y raison, et puis, hier, est tombé comme ça, comme un cheveu sur la soupe. Le trailer de Firewall Ultra avec un petit billet de blog, donc sur le PS Blog américain, pour expliquer qu'une nouvelle itération de Firewall allait arriver donc sur PSVR 2, que vraisemblablement c'était une exclu PSVR 2. Folie, un jeu de plus annoncé au catalogue. Alors, on ne sait pas si c'est au line-up, ça n'a pas été confirmé ni infirmé. On n'a pas vraiment de fenêtre de lancement, ils en parlent pas. Tout ce qu'ils disent en tout cas, c'est qu'ils reviendront vers nous donc quand ils auront plus de choses à raconter. Dans le blog, il nous explique donc en quoi ça va consister. Donc, que c'est la prochaine évolution de la franchise Firewall, qui vont profiter des nouvelles fonctionnalités donc du PSVR 2 pour servir le gameplay et puis le rendu technique et l'environnement. Donc avec la dalle 4K HDR donc du PSVR 2, donc voilà, qui va permettre d'avoir des choses plus fidèle à la réalité et à ce qu'ils cherchent, qu'ils amèneront. Ce qu'ils expliquent du coup, quand on va un peu plus loin, j'ai pas l'impression que ça soit réellement un nouveau jeu, mais plus une évolution de Zero Hour. Oui, ils parlent en fait que le jeu se déroule 5 ans après les événements donc de Zero Hour, où toutes les personnes ont évolué. Les cartes ont évolué. Les personnages ont évolué, pardon, les cartes ont évolué, les technologies ont évolué. Donc ils vont se servir de Zero Hour comme base, en fait, pour garder et enrichir un peu de contenu. Mais tout en y apportant les touches donc du PSVR 2, notamment petite démonstration avec et ils en parlent dans le blog avec l'eye tracking, où en fait l'eye tracking nous servira en fait à afficher un ATH avec nos armes et nos munitions, juste en regardant au niveau de la crosse de l'arme. Et en fait, on le voit dans le trailer, donc on voit le joueur qui bascule son arme un peu sur le côté et qui, à un moment, en fait, fait afficher l'ATH. Donc, vraisemblablement, ça fonctionnera comme ça pour cette partie-là. Et puis, après, les traditionnels retours haptiques des Sense qui seront aussi utilisés. Donc, beaucoup de hype pour le coup, alors pour moi en tout cas, c'est pas le cas de tout le monde, notamment Steph qui est pas avec qui on en a parlé, qui n'est pas trop jeu multi, mais justement ils ont parlé de ça aussi, où ils arrivent avec un nouveau mode PVE. Alors le PVE, c'est le player contre l'environnement, ordinateur, un mode donc. Solo en fait, parce que donc c'est ça, enfin alors ou coop. Attention, parce que le mode solo du premier Firewall, il était quand même particulièrement anecdotique. C'était le même que le mode multi, mais contre des bots. Mmh. Voilà. Donc là, s'ils arrivaient à nous mettre une petite campagne... un peu scénarisée, ça serait vraiment sympa. Voilà, ça pourrait être pas mal. Ça apporterait, je pense, un gros plus à la série. Mais voilà, enfin, ça a été la grosse news d'hier. Donc, comme je dis, voilà, pas de prix, pas de date de sortie. On a fait un article dessus. Mais la wishlist. Mais voilà, ah oui, alors là oui. Alors la wishlist. La wish Lorraine. Effectivement, donc j'ai. La wishlist. J'ai rapidement fait part de ma joie à First Contact quand j'ai vu ça. Et je leur ai posé la question d'ailleurs de savoir. Enfin, il m'a répondu, donc il était ravi que je sois content et que le meilleur moyen de le soutenir, ça serait d'ajouter le jeu à la wishlist, donc à ma liste de souhaits sur le store. Et pour le coup, je lui ai répondu que bon, c'était fait pour soutenir le jeu, mais que je serais pas contre une petite sortie physique. Et ce à quoi il m'a été répondu dans ces cas-là d'abandonner la wishlist et que peut-être, grosso modo, l'avenir nous le dirait, mais que dans ces cas-là, en gros, ça servait à rien de l'acheter sur le store. Dans l'immédiat. Ça a été beaucoup plus subtil et beaucoup plus non dit que ça. Hein. Il a dit, c'est pas la peine de prioriser la version digitale. Attends. C'est de l'anglais traduit de mon français, quoi. Ouais. Non, mais c'était tourné vraiment genre. Te presse pas pour le prendre en digital. Voilà, c'est ça qu'il a répondu en gros. Donc, du coup, tant mieux. Et puis, je suis ravi de revoir cette licence que j'avais un peu délaissée parce que, les temps d'attente, de chargement, tout ça, c'est pas vraiment des choses qui ont évolué. Alors, ils ont énormément fait évoluer le lobby, tout le menu, tout ça. Enfin, il y avait quand même pas mal de contenu qui avait été rajouté, beaucoup de maps aussi derrière. Mais bon, voilà, c'est un jeu que j'avais quand même mis de côté. En termes de jeu multi, voilà, pour tout dire, je suis plus sur After the Fall en ce moment que sur Firewall. C'est pas du tout le même délire d'ailleurs, puisque Firewall est un jeu assez axé simulation et progression, on va dire technique, que After the Fall c'est beaucoup plus bourrin. C'est Rainbow Six Siege en VR quoi. Ouais, pas tout à fait. C'est le truc qui se rapproche le plus de Rainbow Six Siege que. Moi j'aurais plus dit Counter Strike, mais bon. D'accord. Les amorçages de bombes. On est quand même plus simple. Siège, il y a quand même plus de passage caméra, fin d'analyse, de oui, tu vois, c'est aussi le côté observation de l'environnement. C'est aussi le côté les personnages qui sont assez caractéristiques et qui ont chacun leur spécialité. Là où dans un Counter Strike, tous les personnages sont les mêmes, quoi. Toi, il y a une personnification de chaque. Ouais, il y a eu une petite évolution aussi dans le gameplay des jeux multi en FPS. Et un truc aussi qu'on observe vite fait, c'est quand tu dis Firewall, quand tu fais un article Firewall, quand tu envoies un tweet Firewall, etc., le premier truc qui sort en commentaire, c'est « Ah ouais, mais le aim, est-ce qu'il y aura un aim 2 ?» Les gens sont très Farpoint. Voilà, les jeux sont vraiment alors, très très demandeurs. Est-ce qu'il y a un aim 2? Non, enfin pour l'instant on n'y a rien d'officiel. Après, il y a eu des brevets qui étaient tombés sur des technologies de capture avec justement l'IM qui était dessinée. Maintenant, étant donné qu'on ne sait pas trop, enfin, on ne sait pas tout encore non plus sur PSVR 2, on n'est pas capable de dire si les caméras qui sont situées sur le casque sont capables ou non de traquer les fameuses boules lumineuses disponibles. Je m'en fous, j'ai ça. Alors, c'est pas très audio, désolé. Alors, on verra si ça, si ça s'adaptera. Mais c'est une béquille orthopédique. C'est une béquille orthopédique. C'est vrai que ça y ressemble grandement. Mais, du coup, on sait pas si le PSVR 2 peut capter les boules lumineuses des PS Move et de l'IM Controller. Donc, ce qui impliquerait peut-être une rétrocompatibilité ou voire une compatibilité avec les jeux PSVR 2 de l'IM Controller. Par contre, un autre point important que First Contact a souligné, c'est qu'ils ont écouté la communauté, alors après 4 ans de support Firewall, et ils ont enfin décidé de nous sortir des serveurs dédiés. Et ça, ça fait plaisir, ça. Alors, oui et non, je dirais, parce que... Alors, oui, dans le meilleur des mondes, parce que, bah, effectivement, ça va aller plus vite, ça va fluidifier un peu l'activité. Mais non, parce que en fin de vie d'un jeu, du coup, le système qu'ils avaient te permettait de jouer malgré le fait qu'il n'y ait pas de serveur dédié. En fait, puisque chaque joueur, enfin un joueur de la partie héberge les autres, ça permet une plus longue durée de vie, je dirais, au jeu. Que là, on va plus ou moins être dépendant des serveurs. Bon, après, de toute façon, c'est un mal pour un bien. Exactement. Et puis rien ne les empêche de refaire après un système de peer-to-peer, peut-être, de revenir. En arrière, ça c'était la première chose. Et il y avait un autre élément que j'ai complètement occulté. Et ben je sais plus. Toujours médiocre, hein, toujours pareil. Toujours. Voilà, on change pas. Ah oui, ça y est. Et le autre point, pas mal, pardon, le plus important et qui a beaucoup fait râler les joueurs, c'est que les parties en général duraient, je crois que c'était 5 minutes ou 4 minutes. Et après, une fois que la partie était terminée, il fallait repartir au lobby. Et donc ils ont compris. Et maintenant, on aura droit donc au meilleur des 3 parties. Donc c'est-à-dire qu'il y aura 3 manches. Et à la fin d'une première manche, vous relancez directement la deuxième sans repasser par le lobby. C'est bien ça. Alors je ne sais pas si on pourra changer d'équipement et tout ça. Et donc ça sera une des nouvelles choses qui sera inclus dans ce Firewall Ultra. Voilà. Ouais. Moi qui... Donc du bon sur la nouveauté. On a l'air quand même d'être un peu dans du recyclage, comme je dis, de Zero Hour, mais en modernisé. Je dis pas que c'est mal, puisque j'ai adoré le premier jeu et je le répète, enfin voilà, j'ai le bundle, moi il est là où on le voit pas, mais il est par là. 9 sur 10 sur VR4 Player dans le test. Ah, mais il était top, hein. Moi à l'époque je jouais tous les soirs, hein. Je rentrais l'après-midi, le soir, je jouais tout le temps à ce jeu. Donc c'est pour ça que je l'attends avec grande impatience, même si c'est un recyclé du premier amélioré, enfin tout ce que vous voulez, moi ça me dérange pas parce que les maps du premier étaient quand même déjà très bien. Et surtout les dernières qu'ils avaient rajoutées, elles étaient quand même aussi plutôt détaillées, un peu plus floues parce que je trouve plus détaillées, mais le contenu était quand même très très bien. Bien entendu, il y aura l'éternel contenu payant. Ouais, les DLC payants. Pour du skin et compagnie. Franchement, moi, c'est de la personnalisation. C'est un peu comme toi, malgré le côté de l'annonce un petit peu Firewall 1.5, le jeu, comme tu disais, était tellement bon sur PSVR que moi, ça va être un gros plaisir de le retrouver sur PSVR 2 avec des contrôles qui sont bien mieux foutus. Quoi qu'il en soit, même si on n'a pas le aim, l'aim était quand même même si on n'a pas le aim contrôleur, parce que là on l'aura pas du coup, c'est sûr, et puis voilà, avec quelques maps de plus, avec une qualité de jeu, en tout cas d'attente, de fluidité, on va dire, de gameplay meilleur, moi franchement ça sera day one, hein. Et pourtant je suis pas trop multijoueur, mais je sais qu'avec celui-là on va vraiment s'éclater et puis pouvoir comme à l'époque, essayer d'organiser des espèces de petits tournois. Oui, c'est vrai qu'en plus, on avait fait des tournois. Surtout Herbie. Bah, justement, quand on s'était vu. Il n'y avait pas que lui, il y avait des tournois à l'étranger aussi. Il y avait pas mal de tournois dans différents pays qui s'étaient organisés, justement, et puis ça fonctionnait plutôt pas mal. Ouais, hein. Ouais, parce qu'il avait réussi justement à glaner une communauté et des gens qui étaient en général super cool, quoi. Donc, comme souvent en même temps en VR. Donc ça au moins c'est le côté positif. Ok. C'est vrai. Donc voilà, excellente nouvelle. Donc on en attend plus ouais. Très bientôt pour découvrir un peu de gameplay. Et puis parce que bon, mine de rien, ce qu'on a vu vraisemblablement, de ce que je comprends, en tout cas de ce qu'ils disent, c'est que c'est pas du gameplay qu'on a vu. Ça reste un trailer un peu amélioré. Donc le gameplay arrivera. Et puis même c'était dit dans le trailer qu'il y avait un mix entre vidéo 3D et puis gameplay pur et dur. Donc on attend de voir réellement du gameplay, de ce que ça donnera, mais je suis malgré le faux pas, parce qu'il faut quand même le préciser, malgré le faux pas Solaris puisque First Contact c'est aussi l'échec Solaris, je reste persuadé qu'ils vont quand même nous faire quelque chose de bien sur ce Firewall. Est-ce que tu penses qu'il y aura la map de Solaris dans le prochain Firewall? Alors il y en a pas qu'une, il y en a cinq. Cinq en plus. Un petit crossover. Non, j'y crois pas. Un petit. Ouais, remarque peut-être un petit Easter egg pour l'ancien jeu, ou alors une tenue, je sais pas, mais. Mais bon, j'avoue que dans un jeu où tu dois rester furtif, la tenue flashy avec des néons, c'est pas ouf, hein, c'est sûr. C'est moyen. Ok, ça marche. Moi, je voulais parler juste vite fait d'un truc qui m'a un petit peu estomaqué, enfin interrogé en tout cas. C'est en regardant sur le PS Store, dans l'onglet PSVR, tu vois un jeu qui va sortir prochainement. C'est Anyone's Diary. Ah oui. Voilà, c'est très bizarre, qui sort, alors que je vous dise pas de bêtises, qui sort le 14 septembre 2022. Or, il y en a un autre dont on n'a pas parlé. C'est un jeu qui est déjà sorti et que j'ai déjà testé en plus à l'époque, qui est déjà sorti en janvier 2019, avec comme éditeur Factoria Cultural Gestio. Et là, donc, du coup, c'est le même jeu, hein, au niveau du trailer, c'est la même chose. Qui sort le 14 septembre, et là l'éditeur c'est Gamera Nest. C'est très bizarre en fait, je comprends pas. Le jeu est encore en ligne sur le PS Store, il est prévu pour être sorti encore. C'est réédité chez un nouvel éditeur. C'est réédité chez un nouvel éditeur, et c'est réédité comme si c'était un nouveau jeu. La description est un petit peu différente sur le store, le design de la couverture est différente aussi. Donc voilà, bah c'est un jeu, vous pouvez retrouver le test, hein, sur Warfare Player du coup. C'est un bon jeu de Dreams. C'était mignonné. C'est un bon jeu de Dreams, voilà, moi j'ai bien aimé le design. Par contre, à l'époque, il était pété de bugs. Alors j'ose espérer que dans cette nouvelle, ce nouveau upload là, ils vont. C'est la Enhanced Edition. Même franchement, le jeu c'est le même. C'est le même. Est-ce que c'est un remake à 80 balles? Un remaster. Je sais pas. J'ai pas regardé les prix encore. Mais j'ose espérer en tout cas qu'il était vendu à bas prix à l'époque. Voilà. J'espère que c'est pas une arnaque. Franchement, ce truc là, ça. Je suis méchant parce que je l'ai acheté le remake à 80 balles. En plus, ouais, Last of Us. Mais voilà, enfin. Faudra bien être vigilant, quoi, parce que après c'était validé par Sony, donc je pense qu'il n'y a pas trop anguille, mais c'est très très très étrange. C'est la première fois que le même jeu ressort avec deux éditeurs différents, comme ça, très bizarre. Oui, et puis à cette période, bon, on sait que le PSVR il est déjà enterré, quoi, et c'est étonnant que ça arrive maintenant. Ouais. Donc voilà, on verra. Je sais pas qui a fait le calcul, mais bon, on verra ce que c'est. Du coup, on a un autre jeu qui sort très prochainement, enfin qui est sorti en partie dans certains pays et pas dans le nôtre, et qui doit sortir dans pas longtemps chez nous. Oh. C'est Transformers Beyond Reality. Grosse attente. Alors, ça devait sortir le 2, 1, 2 ou 3 septembre. Et j'en ai l'eau à la bouche. Finalement, vraisemblablement, ça sortira chez nous le 22 septembre. Donc il y a déjà des sessions de gameplay qui sont dispo sur internet. Si vous voulez faire une idée un peu de ce que ça vaut, mais bon, le trailer déjà parlé de lui-même. Ouais, je pense que déjà tu avais une bonne vision du truc. Hein. on est sur un jeu qui a dans sa typologie quelques années de retard. Mais bon, écoutez, comme on dit, il faut savoir laisser sa chance à tout le monde. Donc on l'essaiera, sauf que pour le moment, on l'a pas. Est-ce qu'on l'achètera? Je ne sais pas. Je ne pense pas. Bah toi, peut-être ouais. Il sera dispo dans le PS Plus. Je ne sais pas. Non, j'y crois pas une seconde. Mais voilà. Enfin, Moi, j'ai plus de sous, j'ai pris Last of Us. Il est bientôt dispo. Si vous êtes fan de Transformers, techniquement, ça a l'air plutôt propre. Assez simple, mais quand même relativement propre. Mais coloré. C'est un rail shooter. Simple et coloré. Et coloré. C'est un rail shooter, mais dans l'univers de Transformers. Voilà. Donc, si vous êtes fan de la licence, des films, des dessins animés, des séries, de tout ce que vous voulez. De Megan Fox. C'est peut-être fait pour vous. On vous en parlera si on peut. S'il y en a qui se décident à l'acheter, ou si l'éditeur ou développeur nous envoie une petite clé par-ci par-là. Voilà. Voilà. On en reparlera quand on en saura plus, en tout cas. Mais bon, voilà. On va... Mais ça sort bientôt, normalement, 27 septembre. On n'aura pas se le cacher, voilà. Pouf, hein, ça a pas l'air dingo. Ok. Laurent, est-ce que tu as quelque chose à rajouter, du coup? Je sais plus oui. du tout où on en est. Je voulais juste dire un petit truc sur le Tokyo Game Show qui aura lieu la semaine prochaine. C'est vrai. Alors merde, j'ai les dates japonaises. C'est le 15 septembre du 15 au 18, mais nous ça doit pas être ça. Si c'est peut-être ça, je sais plus. Juste sur le décalage horaire quoi. Ouais, juste 8 heures de décalage horaire, mais les dates c'est les mêmes. Mais les ouais. dates, c'est... Donc, Tokyo Game Show, on sait déjà que Capcom seront présents pour présenter Resident Evil 8 jouable sur PSVR 2. Donc, ce sera la première fois que le et PSVR c'est très 2 important. Sera visible sur un salon. Et ça, c'est officiel, hein, c'est pas une rumeur. Donc, c'est intéressant parce qu'il va y avoir du beau monde quand même à ce Tokyo Game Show 2022. Notamment quand on va déjà sur la page principale, on s'aperçoit qu'il y a déjà une belle photo du Pico Neo 3, donc il va y avoir de la VR, et puis également il y a je sais plus qui présente des gants, alors c'est tout en japonais, donc Sense Glove qui vont présenter des gants haptiques, et en parallèle il sera possible de voir ce TGS en réalité virtuelle grâce à une application qui sera le TGS VR. Et ce qui est intéressant, c'est la liste des exposants. Donc en gros, vous allez vous retrouver dans une salle plutôt circulaire avec un gros précipice devant vous, un puits devant vous. Et puis apparemment, on va pouvoir se balader là-bas dedans. Le truc, c'est qu'ils disent qu'il y a un mystère au fond du puits et qu'il y aura peut-être des annonces ou des choses comme ça. Surtout, ce qui est intéressant, c'est la liste des exposants qui seront présents dans cette animation en réalité virtuelle. On trouve Capcom, logique, parce qu'ils vont en même temps présenter le Resident Evil 8, mais il y a aussi Kojima Productions. Alors, c'est intéressant de voir Kojima. On sait que c'est le gars est intéressé par toutes les nouvelles technologies, donc il va peut-être parler d'un nouveau jeu ou quoi que ce soit. Ce sera peut-être des jeux plats, c'est possible, mais on sait aussi qu'il y a eu des rumeurs sur un Silent Hill, voire même un Metal Gear Solid. Et en même temps, il y a Kojima Productions, mais il y a aussi Konami qui sont aussi dans la liste des exposants. Aux côtés de Survios, on sait qu'ils ont en préparation un jeu Alien qui sortira sur PC et sur console, donc PSVR 2, parce que c'est la seule console qui a un casque VR, et on sait bien sûr que le Alien sera en réalité virtuelle, et puis de toute façon sur Vios ils font que de la VR. Et il y a aussi Square Enix, donc Square Enix ils ont certainement présenté leur nouveau jeu FF15 Spoken, enfin qui se fait un petit un peu jeu critiquer de pêche partout sur FF16. Non, c'est possible qu'ils soient tous là pour présenter un jeu plat. Hein. Mais je c'est pense, possible aussi, moi je pense franchement que ça va être juste une itération. Une façon pour les joueurs qui ont des casques VR de pouvoir visiter le salon, de pouvoir regarder les vidéos en mode cinéma. Il l'avait déjà fait l'année dernière. Hein. Ouais. Non, à mon avis, c'est uniquement ça. Hein, le fait que Konami, etc., soient des exposants dans cette application, donc qui n'est pas encore, en tout cas, à l'heure où on enregistre jeudi 8, là, l'application n'est pas encore disponible sur Internet. Ça va l'être dans quelques jours. En tout cas, c'est ce qui est noté sur leur site Internet. Moi, je reste persuadé que ça va être uniquement une façon de visiter le TGS. Dans un monde à la méta quoi, dans un métaverse, une manière d'aller au Japon sans aller au Japon et sans voir le Japon aussi, voilà. Parce que c'est très Tron hein, comme ambiance hein. Donc mais c'est joli en tout cas, ça a l'air d'être bien fait. Moi je pense que j'irai faire une petite visite pour voir ce que ça donne. Est-ce que il y aura une version PSVR de ce truc là? Non, mais l'année dernière il l'avait pas voilà, fait déjà, je pense pas non. Mais voilà, ça peut être intéressant. Non, si on compte sur toi pour aller faire un tour pour nous dire ce que ça vaut. Bah j'irai filmer voir. Même. J'irai voir. Ouais, ça peut être sympa. Carrément. Hein. Non, moi, je me dis que peut-être que on se dit, bon, allez, on sait officiellement que le PSVR 2 déboule début 2023, donc début 2023, on va parler du premier trimestre, et que, bien, forcément, si il est commercialisé dans pas si longtemps que ça, il va peut-être falloir qu'il lance les précommandes dans pas longtemps. Donc, s'il commence à enclencher la pompe, il est possible que... Alors, Sony vont peut-être rien annoncer durant le Tokyo Game Show, attention, c'est pas ce qu'on est en train de dire, mais c'est possible qu'il lance un petit State of Play ou un petit showcase qui serait balancé en vidéo, c'est tout à fait probable au courant septembre. Et on sent que ça commence à s'enclencher et que c'est pas si loin. Et comme j'ai dit tout à l'heure en offline, je disais l'élastique est tendu et il va pas tarder à péter. Je veux dire par là que il y a les wishlists qui sont lancés sur Horizon, sur Firewall. Il y a Capcom qui vont présenter Resident Evil. On va voir le casque sur un salon qui sera vraiment très fréquenté. Donc il va y avoir énormément de retours avec des photos dans tous les sens et des gens qui vont pouvoir le tester et des avis. Donc Sony, c'est quasiment le moment où il faut qu'ils lâchent. Ils vont lâcher la machine. Hein, ils vont lâcher. Donc et ça pourrait bien arriver en septembre. Et d'ailleurs, le TGS, ça va être donc avec Resident Evil 8 en réalité virtuelle, ça va être la première fois que des journalistes vont pouvoir tester. Et qu'on va pouvoir voir même physiquement, réellement et officiellement, je ne parle pas du casque qu'on avait vu sur un fauteuil, ce PSVR 2. Donc, mine de rien, c'est une sacrée étape. Hein. C'est un gros événement. Oui, et puis, comme je dis tout le temps, le PSVR, les précommandes ont été lancées en mars 2016. Pour une commercialisation en octobre 2016, donc 6 mois entre la précommande. Donc là, je pense que les précommandes seront plus courtes parce qu'il y a le souci des scalpers et le souci du stock. Mais c'est pas impossible que Sony se cale dans le sillage du Tokyo Game Show ou de la Paris Games Week dans cette zone-là, quoi, pour lancer les précommandes, pour commencer à savoir combien il va falloir, est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va pas marcher. Parce qu'ils ont besoin de précommandes aussi pour savoir combien ils vont en produire. Donc on y est quoi, l'élastique est tendu et là on sait que du jour au lendemain ça peut tomber quoi. Ok, j'espère en tout cas que sur leur site de vente, leur site de vente Sony, ils vont bien penser à n'autoriser qu'une seule vente de PSVR 2 par compte, oui. Histoire de pas faciliter les choses, oui, parce que de pas leur faciliter les choses. Tout à l'heure, on parlait des versions collector de Hogwarts et de je sais plus quoi, qui s'est vendu en 38 secondes, c'est ça? Ouais, en 3 minutes, moins de 3 minutes. En 3 minutes, il n'y avait plus de stock. C'est ce qui est arrivé pour The Last of Us. Pour la version PS5. La version Firefly. Version Firefly sur PS5, en quelques minutes, il n'y en avait plus non plus aux États-Unis. Le PSVR, quand il va débouler, ça va faire pareil. Les mecs, ils vont les acheter par palette et ils vont les revendre à 1000 balles. Donc, c'est ce qui risque d'arriver. Donc, s'ils peuvent empêcher ça, ça serait déjà pas mal. Ouais. Pourront pas l'empêcher complètement parce qu'il y a toujours les sites de vente externes. Mais au moins Sony qui fasse ce qu'il faut pour leur site. Quoi. Le ralentir, ouais. Ça serait pas mal. Ok, Majo, t'as quelque chose à rajouter pour cette première émission de la rentrée Non. Ou point. Non. C'est tout bon? Ouais, bah, il me tarde d'en savoir plus, et puis les précos, tout Paris. Ça quoi. Bientôt, c'est vrai qu'on le dit souvent sur Discord, pour les gens avec qui viennent discuter avec nous, on est sur les dents, on n'en peut plus, on a trop hâte, même en ayant encore le PSVR qui fonctionne, même en ayant des casques sur PC, même pour certains de l'équipe à avoir des Quest 2, on n'en peut plus d'attendre quoi. Et toi Laurent Pardon, Majo, t'allais dire. De quoi? Rien à rajouter, ouais. Mais pareil, quoi, je suis à fond. J'allais dire pour ceux qui nous écoutent et qui sont pas encore avec nous sur le Discord, je partage régulièrement les offres de, si ça vous intéresse, oui. Hein, comme d'hab, les offres de PS5 disponibles quand il y en a. Donc voilà, bah, c'est aussi une raison peut-être pour nous rejoindre sur le Discord si jamais ça vous intéresse, que vous avez la flemme de chercher ou de filtrer. Bah, des fois, il y en a souvent plusieurs par jour. Donc, n'hésitez pas à venir faire un tour. C'est dans le serveur général. J'envoie les liens et après, vous faites votre vie avec un peu de chance. Ça peut marcher. Vous y arrivez. Comment va-t-on sur le Discord de VR4Player? Bonne question, Laurent. VR4Player.fr. Vous allez sur le site de verplayer.fr et tout en haut à droite, il y a un petit icône Discord, un petit icône bleu, donc l'icône bien connue de Discord, à côté de TikTok. Vous cliquez là-dessus, vous avez une invitation et vous arrivez sur nos serveurs. C'est vrai qu'on a un TikTok aussi ? Ah oui, un TikTok. D'accord. Oh. M'en sert jamais parce que. Là, t'as déjà fait des vidéos de toi en train de danser avec un crop top, non ? En maillot de bain, non ? Non, mais c'est tous mes shorts. Je les balance sur TikTok. Mais vu qu'en ce moment, il n'y a plus de jeux, j'ai arrêté les shorts. Mais dès que le PSVR 2 va se relancer, il va y avoir plus de shorts. D'accord. Donc, si vous voulez retrouver Laurent qui danse en short sur TikTok, vous pouvez y aller aussi. Elle est facile. Le mec, il n'a rien compris. c'est comme les news en vrac. C'est pareil. Là, pour l'instant, ça ne sert à rien de faire des news en vrac. Le podcast suffit. Et... Oui. Voilà, mais tout ça va se relancer, on attend juste d'avoir le PSVR 2. Quoi. On attend d'avoir un petit peu de matière à vous donner pour voilà, tout ça. Voilà, c'est ça. Et après ces années, on peut dire, de disette, on est sûr en tout cas qu'on va pas être suffisamment nombreux dans quelques mois, ça c'est une certitude. Mais si, ça va bien se passer. On peut dire VR4 Player recrute ou pas on attend ça Oui. S'il y en a certains qui aiment écrire. Si vous aimez être payé en passion. C'est ça. Voilà. Si vous aimez plus dépenser de la thune pour la passion. Non, mais je pense s'il y a des étudiants passionnés de jeux vidéo qui font des écoles de journalisme ou des trucs comme ça et qui veulent écrire 2-3 articles ou qui veulent faire des vidéos et qui pourquoi pas quoi. Si ça colle, pourquoi pas. De toute façon, plus on sera nombreux, plus ce sera simple parce que le problème, c'est que pour l'instant, il n'y a rien, mais quand ça va sortir, ça risque d'arriver méchant. Donc, c'est ça. Ou tout simplement aussi, quelqu'un, c'est important, je pense parce que on va. Enfin, vous savez, VR4 Player, c'est quand même une bande de potes. Hein, si ça marche, si on arrive à discuter, à se balancer des fions à longueur d'émission et tout ça, c'est parce qu'on s'entend bien et qu'on s'apprécie tous. Donc si vous vous sentez aussi de rentrer un petit peu dans ce mood-là, quoi, c'est pas quelqu'un... De venir nous envoyer des fions. Exactement, parce que je pense que quelqu'un qui se prend un petit peu trop au sérieux aura peut-être pas forcément sa place, ou se sentira peut-être un petit peu, des fois... Faut pas quelqu'un qui soit choqué facilement, quoi. Clairement. En gros, faut pas quelqu'un qui aime l'organisation, d'accord ? Ni les trucs carrés, voilà. Non mais. Non, c'est pas vrai. Non. Blague à part, voilà. Si vous vous sentez en tout cas à être à peu près dans le même délire que nous, de pas se prendre la tête, de dire ce qu'on pense, tout simplement, vous êtes le bienvenu. Et puis, du coup, il y a le Discord pour en discuter. Plus que je pense les autres réseaux sociaux, même si. Voilà, dans l'équipe, il y en a plusieurs sur Twitter et sur Facebook aussi. Mais voilà, donc n'hésitez pas. Est-ce que on le rappelle, autour d'un VR, c'est le podcast qui est disponible sur toutes les applications de podcast, qui est disponible aussi sur notre chaîne YouTube, qui donc... En abonnement, voilà. Bah uniquement, ah c'est ça, on va faire ça maintenant, uniquement pour les membres premium. YouTube premium, évidemment. Et puis, je sais même pas si ça marche ce truc. 150 euros à l'année. C'est de la merde, ça. Les gens ils y vont pas, enfin c'est très bizarre. En tout cas, voilà. Si c'est pas gratuit. Si vous voulez nous aider financièrement. Quand c'est pas gratuit, ça marche pas. Il y a le Tipeee. mais si vous voulez vous nous aider aussi sans lâcher la moindre thune, ce que je comprends tout à fait, et ben, comme je disais en début d'émission, abonnez-vous, laissez des commentaires, laissez. Partagez. Voilà, laissez des commentaires, des commentaires sur le site, sur les réseaux sociaux, tout ça. Exactement. C'est bien parce que ça permet de faire vivre les articles, d'avoir des avis différents des fois, de se fighter un petit peu des moments, mais des fois il y a des trucs sympas qui ressortent. Toujours des bonnes choses qui ressortent, voilà. Points de vue différents. Et je remercie encore, j'ai déjà fait lors de la dernière émission, je remercie vraiment tous les gens justement qui réagissent au podcast, qui des fois nous pressent pour qu'on les enregistre. On aurait dû normalement enregistrer la semaine dernière, mais ça n'a pas été le cas parce qu'il n'y avait rien. Et parce qu'il n'y avait pas grand chose, on n'était pas trop près en plus. Et voilà, pas forcément non plus le temps, vu qu'on est complètement bénévole, je le répète. Mais quand on a des attentes comme ça, ça fait vraiment chaud au cœur, ça fait vraiment plaisir. Voilà, merci infiniment. C'est justement pour avoir ce genre de demande là et ce genre de commentaire là que on continue de faire. Aimez-nous. Non, mais non, toujours pareil. Mais c'est vrai. Aimez-nous. Mais c'est vrai. Si tu fais ton truc dans ton coin, t'as le plaisir de le faire. S'il vous plaît. On a le plaisir de discuter entre nous. Mais c'est vrai qu'au coin, quand on sent que les gens sont derrière et supportent, et ça fait grave plaisir, quoi. Donc c'est cool. C'est cool. Bien faire bisous à Sei. Voilà. Merci beaucoup. Je suis en manque d'amour, effectivement. c'est la rentrée. non. Et puis voilà. Du coup, on vous dit à dans deux semaines, en pleine forme. Le TGS sera passé par là, donc j'espère en tout cas qu'on aura beaucoup de choses à se dire encore. On devrait avoir des choses à dire. Oui. Puis de toute façon, forcément, on aura des choses à dire parce que le PSVR 2 aura été essayé, il y aura des retours, donc il y aura beaucoup de choses à dire. C'est ça. Et puis de toute façon, même s'il n'y a rien à dire, ça ne nous empêchera pas d'en parler. Il y aura peut-être des morts déjà. Étranglé avec le fil. C'est possible. Ah, t'imagines le bad buzz oh, putain. Sur les sites. Quelle horreur. Sur les sites un peu plus techniques. Bon, bref. On verra, en tout cas. On va en parler. On vous fait des gros bisous. Des arrêts cardiaques sur Resident Evil. C'est ça. En plus Resident Evil 8. Ou alors, je sais pas, la nouvelle pornographie en VR, tu sais, avec Dimitri Shkout, justement. On verra. On en discutera avec El Rocco de ça. À dans deux semaines. Des gros bisous. À dans deux c'est semaines. Ça. À dans deux semaines. Et puis voilà. Et puis, oui, donnez de l'amour à Sei. Donnez. Allez, ciao. Salut. Ciao, ciao. Faut demander de l'amour. Hein. Ça va pas comme ça pousse oui. Pendant les arbres. Hein. C'est drôle. Ah, mais tu parles on, de. On est à 2 heures quand même. Ouais. C'est bien. J'ai chaud, putain. C'est super tu chaud. Ah, moi aussi, un peu plus. Tu parles de laisser des commentaires et tout ça. Il faudrait, tu vois, je viens d'y penser. Il faudrait qu'on trouve une question. Du pod. Mmh. On va faire une par pod. Ah, j'ai du mal à le sortir. J'ai cru que t'allais faire un petit renvoi. Mais là. Il y avait le petit renvoi là. Faire une par pod dès le départ qui alimente en fait la zone commentaire et qu'on en redébatte en fait, qu'on redébatte des réponses sur le pod d'après et qu'on redébatte. Ouais.